Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Catch Up hors série, spécial Survivor Series, spécial Takeover. Alors on va revoir ce qui s'est passé ce gros week-end de catch du 19 et du 20 novembre 2016. Tout ça se passait à Toronto, au Canada. Avec moi, ce soir, pour faire l'analyse de tout ça, Hank, le patron. Hank, comment ça va? Salut, salut. Et je regrette que t'aies pas eu d'anecdotes historiques ou géographiques sur Toronto. Je t'ai connu plus inspiré. Ça va venir. Ah, ça va venir. Chose bon, en bah, son temps, j'attends que ça, moi. Bon. D'accord. Peu de patience. Et avec nous également l'ami Giscal, le célèbre. Comment va Giscal? Célèbre, je sais pas, ça va bien. Et vous, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bah, écoute, nous on a la pêche. Hein. C'était un beau week-end de catch. Ah oui. Donc voilà, hein, l'équipe du supplément est représentée par Giscal. L'équipe d'Euro par Hank. Et toi, donc du coup, on a gagné. Voilà, c'est ça. Voilà, 2-1. Je suis deux, donc je fais la Suisse. 2-1 pour Euro, comme aux séries. C'est ça. Oh, le spoil direct. Pas de spoil. Non, pas de spoil. Alors, un petit message rapido. Ça, vous aurez remarqué qu'il n'y avait pas eu de talking catch pour l'instant cette semaine. Donc, c'est un petit peu en hiatus. Là, on est en train de réfléchir au rythme pour pouvoir vous proposer quand même un podcast qui reste de qualité parce que c'est un petit peu compliqué à faire. Ouais. On en fera un très bientôt. On aime bien sacrifier nos vies pour vous, mais voilà. au bout d'un moment, il faut qu'on trouve de l'aide. Donc on est en train d'essayer de trouver des nouveaux moyens de faire ces émissions. D'ailleurs, on lance un appel, hein, si on cherche un monteur. Voilà. Ah oui. C'est un peu un boulot ingrat. Un monteur audio, hein. Pas un monteur de cheval audio, ouais. Ou un monteur de motocyclette. On pourrait peut-être monter Giscal aussi, mais... Oui, pourquoi pas, écoute. On chasse après, hein. Non, je pense que bon, si ça peut aider à trouver quelqu'un. Voilà. Voilà, un peu ingrat, mais vous aurez aussi le Skype de Hank, et ça, c'est pas rien. Voilà. Bon, allez, on va attaquer donc ce gros week-end de catch. Donc à Toronto, hein. Donc Toronto, c'est quand même le troisième centre de l'industrie cinématographique européenne. Voilà. Et donc samedi, c'était le pay-per-view de la bande jaune de NXT, NXT Takeover Toronto, donc qui se déroulait au Air Canada Center. C'est là que se déroulera également Survivor Series. Ils étaient gâtés et je crois que Raw peut-être se situe là-bas aussi, hein, Monday Night Raw de cette semaine. Alors on commence très fort ce pay-per-view avec le match qui oppose Bobby Roode à Ty Dillinger, 16 minutes 28, ça démarre sur une très belle entrée de Bobby Roode avec des choristes qui chantent sa musique Glorious, hein, si vous la connaissez pas, découvrez-la, c'est magnifique. Les gens, j'ai vu des gens pleurer moi dans le public pendant son entrée. Ty Dillinger, également une grosse pop, également très, canadien. Très Également canadien, ouais, donc il jouait à domicile. Bah, Bobby Roode aussi, hein, donc les deux. C'est pour ça que j'ai dit également. C'est ça. Le public était en feu, hein. C'était un match, on va dire, très classique dans le bon sens du terme. Hein. Ty Dillinger, il prend l'avantage dès le début, jusqu'à ce que Bobby Roode profite d'un passage à l'extérieur du ring pour projeter le Perfect Ten sur les barricades d'insécurité, des barrières d'insécurité plutôt. Alors on aura droit à un moment donné à un très beau superplex du coin du ring. Le match, il est quand même dominé plutôt par Bobby Roode, mais Dillinger fait quelques retours, il est bien soutenu par le public. C'est un bel affrontement face-heel, hein, on va dire. À la fin du match, Bobby Roode va tenter d'humilier Dillinger en lui piquant son finisher. Mais Dillinger arrive à contrer. Il est bien parti pour porter lui-même le tiebreaker. Mais Roode l'envoie dans le coin du ring, l'épaule en premier dans le coin du ring. Dillinger est sonné et Roode l'achève avec son DDT. Victoire de Bobby Roode. Moi je trouve que c'est un joli petit match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous donnez la parole à Giscal, honneur aux invités. L'outsider de NXT. Bon, parce que bon, moi je suis les pay-per-view, mais moins les shows hebdomadaires, donc j'étais moins au fait de la rivalité des deux. Mais bah écoute, j'ai trouvé que c'était très plaisant et très facile à suivre comme match, un match parfait pour ouvrir le show, puisque deux régionaux de l'étape qui ont mis le feu d'entrée de jeu, des enchaînements, il n'y avait rien à vous décrocher la mâchoire, c'était un match assez simple, on va dire, dans son déroulé, avec des bonnes phases. Moi, j'aime bien les phases de domination heel, la heat, comme ils disent là, aux States, de Bobby Roode. Je trouve qu'il est vraiment très fort dans ce rôle-là. Ty Dillinger, je le connaissais pas trop, mais il a plutôt, pareil, plutôt une bonne énergie. J'ai trouvé très très très sympa pendant ce match à suivre. Comme j'ai pas énormément d'éléments sur la feud et tout ça à donner, je veux juste donner un petit coup de chapeau au finisher de Bobby Roode que je connaissais pas spécialement. Je trouve que son DDT modifié un peu en sautant est vraiment a beaucoup d'impact visuellement. C'était très très sympa. Et puis bah cette entrée sur laquelle on est passé rapidement était absolument épique. C'est le genre d'entrée, on se dit que le jour où ça arrivera peut-être à Mania devant un stade de plus de 80 000 personnes, ce sera quelque chose d'absolument inoubliable. Donc voilà, c'est tout ça fait que le début du show était très sympa. Exactement. Clairement, il n'y a pas eu d'entrée de ce calibre à Survivor Series Non. au niveau show. Et puis, on n'a pas encore parlé de celle de Nakamura. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai adoré, mais moi, je suis un super fan, limite fanboy de Ty Dillinger. Je l'adore, ce type. J'adore ses gimmicks. Sa gimmick est tellement over que Je le sais pas. 10-10-10, il était dans Survivor Series le lendemain. C'est-à-dire, si Ah, vous il est entendez dans le quand le quand le l'arbitre tente de faire un compte de 10 pour tel ou tel catcheur ou catcheuse, le public a fait des 10-10-10 en oui, au continu lieu de compter le jusqu'à 10, lendemain. oui. Donc voilà, le match était pas inoubliable, mais il était vraiment, moi, je l'ai trouvé vraiment bon. J'ai aussi, alors peut-être c'est juste mon espoir qui se mêle avec, enfin ma surinterprétation qui se mêle avec mon espoir, la fin où la caméra est restée un petit peu sur Ty Dillinger. En mode, je me retourne avec le regard un petit peu triste, je dis un peu au revoir. J'ai vraiment l'espoir que ça veut dire qu'il va arriver là dans SmackDown ou dans Raw dans les semaines qui viennent. Après, j'ai pas vu le dernier Monday Night Raw. Hein. Nous avons notre Giscal qui arrive à regarder 8 heures de catch en 48 heures. J'ai vu, je ne spoil pas. Mais ouais, donc voilà, j'adore Ty Dillinger. La victoire. Ouais, moi ça me va si Ty Dillinger est en train de monter dans le roster principal. Même si j'ai peur pour lui, mais bon, il a tout fait. Enfin, il a tout fait. Il a pas eu la ceinture NXT, mais ce que je veux dire, il a catché contre tout le monde à NXT, quoi. Donc voilà, Ouais. c'est le moment de remonter, justement. Parce Oui, que il a toute son fini. histoire, c'est qu'il était à la WWE. Justement, il y avait une très belle vidéo là-dessus. Son histoire, c'est qu'il a été à la WWE. Il avait aucun charisme, il avait pas de gimmick. Il s'est fait jarter assez rapidement. Et il dit j'ai mis 5 ans à revenir. Donc l'histoire était vraiment très bien racontée. Et pour Giscal, du coup, l'histoire entre les deux, c'est juste qu'ils étaient en tag team et Bobby Roode l'a Oui, trahi. ça j'avais vu ça. Ouais, ils ont été sortis au premier tour de Steel Road Classic, c'est ça? Parce que Ouais, sur voilà, il y a Ultra, ils ont. Sanity qui est arrivé, qui les a Ouais, voilà. défoncés, machin. Voilà, donc, premier match qu'ils faisaient ensemble, Bobby Roode l'a lâché. Tout simplement. Il en Ouais, faut c'était pas une belle plus. rivalité en plus, hein, plutôt bien montée, mais la plupart des rivalités sont bien montées, hein, NXT par rapport à TakeOver, pour tout ce qui a amené au match de ce soir. Enfin, moi je trouve, hein, personnellement, c'est du classique mais efficace. Oui, bon, moi j'ai trouvé ça tip-top aussi. Hein. Les deux catcheurs sont très talentueux. Et puis, effectivement, on espère un bel avenir pour Dillinger, qui est quand même un des plus populaires du roster. Déjà, à Mania, il avait eu pour le WrestleMania Weekend, ou SummerSlam Weekend, je ne sais plus, il avait eu la plus grosse pop de toutes les superstars quasiment. Un truc de fou. Voilà, donc je pense qu'il a un bel avenir devant lui, s'ils en font pas n'importe quoi, parce qu'il a peut-être pas le gabarit qui est plutôt adoré la WWE. Bon, on va enchaîner avec la finale du tournoi Dusty Rhodes Tag Team Classic, qui opposait les Authors of Pain, Akame et Rezar, TM61, Shane Thorne et Nick Miller. 8 minutes 20 de ce match, il y avait donc Paul Ellering, hein, le manager des Authors of Pain, qui était accroché dans une cage au-dessus du ring. C'est original, mais c'était pour vendre des jouets, hein, parce qu'on a vu des petites pubs, parce Ouais. qu'apparemment, ils ressortaient le petit jeu avec les arènes et puis le mec dans la cage. Un truc qui devait exister dans les années 80, je pense. Donc, ben, malgré une belle prestation de TN61, hein, qui nous offre quelques jolis spots avec notamment Shane Thorne qui fait un saut suicide depuis la structure qui maintenait la cage d'Elring. Nick Miller qui effectue aussi un moonsault parfait, hein, sur un des Authors of Pain. C'est quand même les Authors of Pain qui gagnent. Donc, grâce à une intervention complètement ridicule, hein, de Paul Elring qui fait du haut de sa cage, il fait tomber une chaîne en fer. Alors il y en a des deux auteurs of Pain qui essayent de l'utiliser, mais je sais pas pourquoi le truc part dans le public. Je pense qu'ils ont dû blesser quelqu'un. Oui. Et puis finalement ils l'utilisent pas et puis ils gagnent en plaçant leur finisher habituel, l'espèce de grosse clothesline avec un balayage de la jambe. Donc victoire des Authors of Pain qui gagnent donc le Dusty Rhodes Tag Team Classic. Bon, c'est deux jeunes catcheurs, ils ont 22 et 23 ans, donc là, clairement, on a misé sur l'avenir. Deux gros gaillards. Est-ce que ça vous plaît, ce fait que c'est les Authors of Pain qui s'imposent, ou vous auriez préféré voir quelqu'un d'autre gagner le tournoi? Alors, Fiscal, t'as peut-être pas d'avis, donc je vais demander à Hank. Aussi. Vas-y, jusqu'à. Non, enfin, j'ai pas d'avis. J'aurais préféré voir une autre équipe gagner le tournoi parce que déjà, moi, j'aimais pas cette finale. Enfin, genre, j'avais envie de voir aucune des deux spécialement gagner le tournoi, donc j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Après, quel est, au final, quand on voit l'autre match tag team qu'il y a pu avoir dans la soirée, on se dit que c'est pas plus mal, quoi. Mais bon, ça, on en reparlera après. Mais par contre, bah, un commentaire sur le match, moi, je l'ai pas trop kiffé ce match. Si on m'avait pas dit que c'était la finale d'un tournoi, j'aurais dit allez, pourquoi pas. C'est un match correct, filler de milieu de carte pour enchaîner entre deux gros moments de pay-per-view. Là, le fait que ce soit une finale d'un tournoi comme ça, je trouve ça assez décevant. La WWE nous avait habitués à mieux dans ces tournois. Donc là, j'ai trouvé que c'était assez naze. Et puis tu l'as dit. Le finish tombe à plat parce que Paul Ellering qui lâche une chaîne qui au final n'a pas servi dans l'issue de la rencontre et qui, je pense, a probablement dû mettre KO, en effet, comme tu dis, quelqu'un dans le public. Donc c'était voilà, c'était dispensable et un peu décevant pour un grand final d'un tournoi qui était pourtant assez sympa. Moi, je vais résumer. C'était de la merde, on en a rien à foutre. Bon, bah voilà. Non, mais vraiment. Vous trouvez bien dur. Hein. Non, mais je veux dire. Alors, je sais que les fans de spots de ouf et de cabrioles et autres athlétismes adorent TM61. Moi, j'en ai rien à battre de ces mecs. Ils ont aucun gimmick. C'est juste des mecs complètement normaux qui font juste des sauts spectaculaires. Ils ont juste rien à dire. Et Authors of Pain, c'est des grosses brutasses, mais pareil, ils ont rien de, pour moi, ils ont rien de particulier à part leur manager. Dans le ring, ils sont pas tôt, je trouve. Enfin bon, ils s'améliorent un peu, mais voilà. C'est bien sûr que ça excite personne cette finale. Hein. Je crois que la finale était censée, il était au moins censé y avoir Austin Harris et Roderick Strong, je pense, dans la finale. Avant que Harris se Si blesse. Austin s'était pas blessé, ouais. Alors, je pense que c'était joué que ce serait les Authors of Pain qui gagnent dès le début. Hein. Ils ont l'air de capitaliser dessus et. Mais en tout cas, ouais, non, pas très sexy tout ça. Mais bon, en même temps, quand on met les deux meilleures équipes du moment dans une rivalité qui est à part, bah oui, bah, Aïe. du coup, ça. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux quand même dans la sélection des. Je sais, j'ai pas d'idée en tête, mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux que ça en fait. Même j'aurais bien aimé voir Sanity par exemple. Genre. Ouais, qui est plus intéressant, je trouve, que Ouais. The Authors of Pain, ouais. Donc voilà. C'était nul, mais heureusement c'était pas long. Ouais, ok. Bon, moi je suis pas trop d'accord avec vous. Hein. Je préfère clairement les Authors of Pain à Sanity. J'aime bien TM61, moi c'est deux équipes que j'aime plutôt bien. Bah, désolé, alors. Et je suis tout seul, hein, mais c'est pas grave. Et puis ce qu'il faut remarquer peut-être, c'est que là, ils ont fait gagner une vraie équipe, tag team. Le dernier tournoi, ça faisait plus la part belle au rassemblement d'individualités comme ça. Hein. C'est Samoa Joe C'était et Finn Balor? Balor qui avaient gagné l'année Ouais. dernière. Et je crois que Alors... ceux qui étaient opposés, c'était Corbin et Rhino. Oui, Il c'est n'y avait ça. pas vraiment de vraie équipe qui a brillé l'année dernière. Et là, bah, ils ont mis un peu en avant les vraies tag teams. Je trouve que c'est pas mal vu qu'il y a quand même besoin un peu de revitaliser le secteur tag team à la WWE. Et bah, on va voir que c'est bien parti avec NXT, avec le match suivant. 22 minutes 19 de folie. Putain, c'était 22 minutes. 22 minutes Oh là là. 19. Avec hashtag DIY, do it yourself. C'est-à-dire Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Contre The Revival. Scott Dawson. Et comment il s'appelle? Dash. Non, c'est J'ai oublié son prénom. Dash Wilder. Dash Wilder, voilà, c'est son nom de famille que j'ai oublié. Alors, two out of three falls, hein, ce tag team championship. Hein. Donc, Au meilleur des trois tombés, on va dire. au meilleur Allez. des trois tombés, soyons fous. 2 août et un juillet. Voilà. Alors, le premier tombé est pour The Revival, avec leur Shatter Machine, si je dis pas de bêtises. Et le deuxième tombé, c'est pour DIY, avec leur combinaison coup de genou, super kick. Donc on se retrouve à un partout. Bon, regardez ce match, hein, je vais pas le résumer parce qu'il se passe beaucoup trop de choses. On est sur du 5 étoiles. Ça se termine sur une victoire de DIY avec une double soumission. Alors c'est beau parce que les Cette Revival séquence. tentent de s'empêcher de se taper en se tenant la main comme ça et Non. ils sont obligés d'abandonner quand même. Un grand final, un grand match. Et du coup, on va voir que je parie que vous n'avez pas grand-chose à raconter tellement c'était bien. À On part passer les autres. a vécu le match quasiment ensemble, enfin on était sous Skype et on était en train de sortir les mêmes compliments, etc. Ah non, mais c'est le match du week-end, voire le au moins dans le top 3 des matchs tag team de l'année, Ah oui. si ce n'est premier. Enfin bon, après il y en a eu un qui était excellent aussi. Bah, c'était un autre takeover. Enfin bref, mais ouais, y a pas grand-chose à dire. Revival sont mais la précision du tag team ultime, genre ils ont des enchaînements, ils sont heal, mais ils sont talentueux en fait. Ils font pas juste des trucs de heal pour ralentir le match ou pour gagner du temps ou quoi que ce soit. Non, ils sont juste méchants et rapides. Ils sont juste méchants et précis et rapides. Et intelligent. Ouais, voilà. Comment Johnny Gargano. Hallucinant, juste hallucinant. Il fait des passages pendant 2 minutes où il virevolte à droite à gauche et il fait des enchaînements qui sont. Enfin, il a une endurance, mais c'est incroyable, quoi. Ciampa, lui, c'est la brutalité, c'est les coups super stiffs et toujours, ouais, toujours aussi impressionnant. Mais je pense que c'est quand même Gargano qui avait voilà les faveurs du public parce qu'il est ouais, il peut autant faire un passage ultra technique par terre en se mettant dans 3 positions de soumission en 1 minute et ensuite en l'air il va enchaîner un DDT, un dropkick, tout ce que tu veux. Tout ça était fluide à mort, ils se connaissent par cœur, c'était incroyable, c'était juste génial. Voilà, c'est 22 minutes quoi, 22 minutes c'est Ouais, super 22 long, minutes, et c'est c'était impressionnant. génial, du bout en bout. Voilà, c'est tout ce Mais que j'ai à dire. c'est ça qui est très fort. T'as raison de le souligner, c'est que c'était 22 minutes où genre c'est pas des matchs classiques où de 22 minutes où c'est généralement des matchs de cette durée-là, ils démarrent au bout de la moitié à peu près ou quelque chose comme ça, avec beaucoup de périodes d'observation. Là, c'était 22 minutes à 200 à l'heure de bout en bout. C'était exceptionnel. Enfin moi j'ai très honnêtement, je pense j'ai vu tous les takeovers, les pay-per-view compagnie. C'est facile le meilleur match tag team que j'ai vu cette année. C'était absolument exceptionnel. Ce finish est juste de toute beauté dans la dramaturgie, le moment, le placement, la précision. Tout est nickel. Enfin voilà, cette double soumission. J'ai même cru que The Revival allait s'en sortir avec ce spot enfin ce spot, si on peut appeler ça un spot, mais quand ils se prennent la main pour s'empêcher de taper, je me suis dit putain, s'ils se sortent de ça, c'est exceptionnel. Et pourtant, on était déjà à bout de souffle dans ce match. Juste avant, moi, je retiens que juste avant ça, il y avait un near fall qui franchement m'a fait bondir du canapé quand The Revival qui tente le finish de DIY, et puis finalement, c'est Gargano et Ciampa qui mettent la Shatter Machine dans la foulée. Vraiment, vraiment, je pensais que c'était fini à ce moment-là. Mais enfin, dans l'ensemble, voilà, tu l'as dit, c'est exceptionnel. Moi, c'est aussi mon MVP sur ce match, c'était Gargano. Mais Revival, c'est vraiment, c'est juste. Enfin, je suis vraiment d'accord avec toi, quoi. C'est quasi la tag team parfaite. Ils sont très impressionnants. Et j'aime bien. Je crois qu'on en avait parlé peut-être dans un épisode de Catch Up. Mais il y a un petit moment où, au moment du changement de gimmick de The Usos, je me demande si les Usos s'inspirent pas un petit peu de Revival dans leur style, parce que je trouve qu'il y a des similitudes, mais c'est les Usos qui s'en inspirent, hein, je précise, hein, je veux pas blasphémer. Non, non, mais... Mais enfin voilà, bon, il faut absolument que tous ceux qui n'ont pas vu ce match aillent le voir, c'était très très loin le match du week-end facile, donc voilà, Alors, on fantastique. tombera d'accord sur une chose, alors. Ouais. Non, non, C'est ça, super. ouais. Très, très grand match. Puis ils n'ont pas utilisé d'artifice du style Non. faire exploser quelqu'un à travers une table ou des conneries Pas comme ça. C'était d'overbooking. du, ouais, c'était du catch et du catch. Hein. Et il y avait même le suspense, hein, comme tu dis, hein, parce qu'on n'était même pas sûr que DIY allait gagner. Ils ont Franchement, l'habitude de oui, parce perdre. qu'il y a un teasing. Si les gens suivent pas NXT, il y a un teasing de séparation de Gargano et Ciampa Oui. depuis 6 mois, hein, quasiment. Enfin, Puis ils l'ont bien rappelé dans ouais. la promo d'avant-match aussi. Donc, Ouais. parfait sur toute la ligne. Bon, on va aller à quelque chose d'un peu moins réjouissant. Le championnat des gonzesses de NXT, le NXT Women's Championship. Asuka, la championne, affronte la revenante Mickie James. 13 minutes 07 de match. Alors, ça commence avec beaucoup de tente entre les deux athlètes. Ça dure un bon moment jusqu'à ce qu'il y ait une petite séquence à l'extérieur où Mickie James se prend, je crois, un German suplex avec Ponte. Donc là, elle est bien sonnée. Ça repart. Mickie James se défend bien. Elle fait une petite prise du haut de du coin du ring. Là, une descente à la Rey Mysterio. Bon, elle se mange beaucoup de kicks. Et puis au final, elle se fait prendre dans une prise de soumission de la championne et Mickie James est obligée de taper. Elle abandonne. Victoire de Asuka qui frime, hein, quand même à la fin du match. Elle se pavane avec la ceinture sous le nez de Mickie James. Donc là, bon, elle essaye de tourner heel, hein, comme on dit, mais c'est pas facile parce qu'elle est quand même pas mal populaire. Et puis bon, on a un petit hommage à Mickie James après le match. Bon, c'est clairement Asuka qui se met au niveau de Mickie James, hein, pour faire briller l'ancienne championne des Divas. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, dites-moi, les amis? Giscale, vas-y. T'as rien à dire sur ce match, c'est ça? Moi aussi, ouais, vas-y. Écoute, j'ai pas trouvé ça trop mal, j'ai pas été emballé non plus. C'était correct, j'ai trouvé que, bah ouais, voilà, tu dis Asuka qui s'est mis au niveau de Mickie James. Je trouve que sur cet aspect-là pur du match, ils ont plutôt bien réussi leur boulot quand même de faire apparaître Mickie James comme à peu près compétitive. Par rapport à la championne, l'énorme championne qu'est Asuka, donc ils ont quand même réussi à mettre en place une dynamique qui a plutôt bien mis en valeur Mickie James. Bon, même si mon raisonnement, enfin, est biaisé du fait que, enfin, je trouve qu'à aucun moment on a pu croire à une victoire de Mickie James, qui est quand même la faille principale de ce match. C'était une dynamique assez. Enfin, moi, je sais, comme je suis pas régulièrement, je sais pas si Asuka est heel, elle donne l'impression d'être heel. Elle est seule, c'est surtout ça en fait. Elle est seule, et elle essaye d'être heel, mais Ah oui, on d'accord. l'aime. Elle est Elle est seule, mais plus elle que a ça. personne. Enfin, je veux dire, il n'y a C'est pas un de peu. babyface devant elle pour lui Ouais. répondre ou de heel pour la rendre face ou quoi que ce soit. Il n'y a personne contre elle en fait. Parce que sur ce C'est ça le match, truc. c'était quand même intéressant, parce que sur ce match, elle a clairement catché en heel. Bon, le fait que Mickie James revienne et tout, elle était en mode babyface, mais il y avait une dynamique qui était intéressante, qu'on voit rarement, où là, justement, c'est plutôt la babyface Mickie James à l'expérience qui essayait de ralentir le match, avec en face une heel virevoltante qui essayait d'accélérer, de mettre vachement d'intensité. Tout ça, donc la dynamique du match était plutôt fun, mais sinon, voilà, j'ai pas été emballé par ce match. En tout cas, Enfin, elle était clairement très très au-dessus au final, donc c'est un retour, un one shot qui était plaisant, mais sans plus quoi. Ça a donné un petit moment cool, mais voilà. Bah moi, je tiens à saluer le fait que Mickie James est revenu à la WWE pour catcher. Et oui, parce que on va vous parler plus tard d'un mec qui est revenu pour rien. Bref, donc, enfin pour rien. Mais parlons On en reparlera. du match. C'était un match qui était ouais très moyen et on sentait que. En fait, c'était étrange parce que Mickie James, des moments, elle était à peu, j'ai trouvé que des moments, elle était à peu près au niveau et tout ça, et juste après, elle était très, j'avais l'impression de voir un vieux style de catch, enfin pas vieux style, mais un style du roster principal de il y a 2 ans, genre pas très rapide Un peu avec pourri des quoi. ouais. C'est ça le Non, mais avec des personnage. mouvements qui servent un, avec des mouvements qui servent un peu à Mais c'était un rien et catch des un peu trucs pour gagner stressant du temps et quoi. voilà des choses comme ça. Donc ouais, c'était embêtant, mais à côté de ça, elle a fait ouais, elle a fait quelques trucs qui étaient impressionnants et puis elle s'est pris une putain de souplesse à l'extérieur du ring. Moi, ça m'a fait mal pour elle quand même parce que c'était du sol en dur. Hein. Ouais. Ça, c'était joli. Mais ouais. Bon, ouais, il y avait pas grand-chose pour s'exciter. Et, le match, enfin non seulement avant le match, mais même pendant le match, ouais, il y avait rien de bien excitant. Qu'ils arrivent à builder Ember Moon au lieu de la mettre avec les autres loseuses Oui, là. c'est urgent parce Ils sont que en train Ember de Moon, c'est gros calibre, Ouais, hein, maintenant, mais de je sais pas l'ancienne. si t'as vu, donc du coup, le dernier épisode d'NXT. Maintenant, Ember Moon, elle est pote avec Ouais. les losers, Aliyah et Compagnie. machin Tyler, je sais plus comment elle s'appelle, Bonjour. la meuf qui s'habille hip-hop là. Donc voilà, alors que Ember Moon, bah, c'était la seule du calibre, enfin du calibre, la seule crédible, on va dire, même si elle est là depuis à peine un mois, le peu qu'on a vu d'elle. C'est pas C'est c'est une impressionnant. division au-dessus quand même. Hein. Ouais, voilà. Bon, Mickie James, elle est gentille, nostalgie, mais c'est pas ce qu'on a envie de voir, je pense, chez les filles. Hein. C'est des trucs Tout de suite, Mickie qu'on James sur préfère oublier. Nostalgie. Hein. Voilà. Voilà. Bon, allez, on enchaîne. On passe au main event, hein, parce qu'on s'est un peu perdu TakeOver, donc c'est un peu plus court que ce qu'il y a à la WWE dans le main roster. Donc le championnat NXT, Samoa Joe contre le champion Shinsuke Nakamura. 20 minutes 12 hein, de match. Un dream match hein, sur le papier pour les suiveurs un peu du catch à l'international. Mais au final, on a une grosse domination de Samoa Joe. Nakamura, il arrive à placer bon an mal an quelques gros kicks, quelques gros coups de genou. Mais ça suffit pas pour dompter le monstre Samoan qui le détruit méthodiquement. Après l'avoir épuisé dans son coquina clutch en fin de match, il le termine grâce à son muscle buster. Et puis bah, c'est le tombé, le compte de 3 et Samoa Joe gagne le match. Il est le premier two-time NXT champ. Un beau match, mais clairement dominé par Samoa Joe. C'est vraiment une démonstration de Samoa Joe. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce main event? Alors, Vas-y, vas-y. Hank. Ouais, bah, je vais passer en premier cette fois. Bon, c'était une dérouillée. Hein. C'était assez étrange d'ailleurs. Tu te demandais, enfin, moi pendant tout le match, je me demandais à quel moment Nakamura allait vraiment revenir. Il avait des petits, tout petits moments où il revenait pendant allez, une petite minute et après il se faisait contrer. Et j'ai pas, bizarrement, j'ai pas retenu de grands moments dans le match ou de retournement ou de spot surprise ou de ouais voilà de moments choquants comme on a pu en avoir avec les Samoa Joe Finn Balor ou même le dernier Samoa Joe Nakamura donc ouais un match qui était ouais qui c'était un bon match mais pour moi il manquait un petit truc. La fin était m'a fait aussi bizarre. Hein. Je m'attendais pas à ce que Samoa Joe gagne parce que Daniel Bryan, il n'y a pas très longtemps, parlait justement de Samoa Joe, de tous ces mecs à NXT qui ont un nombre limité de bumps jusqu'à ce que voilà, ils soient plus bons pour Corps catcher et faible. que il faut les faire monter, etc. Et puis là, et ben, on nous dit clairement, bon bah Samoa Joe, voilà, on t'a remis un pied dans NXT, tu vas pas partir tout de suite, quoi. Donc voilà, ouais, ça m'a fait bizarre. Mais ouais, non, c'était un bon match. Et puis bon, c'est difficile. Peut-être que j'aurais plus apprécié si c'était pas passé à côté de ce, enfin après ce tag team qui était vraiment genre la claque de la soirée. C'est souvent ça dans les pay-per-view, hein, quand il y a un match qui vraiment vole le show, mais Difficile de violemment, quoi. repartir. Ouais, c'est dur de se re-exciter. Puis bon, c'est aussi une rivalité qui tourne un petit peu en rond, hein. Maintenant, on était on a eu comment? On a eu donc du coup Nakamura qui chope la ceinture à Joe. Ensuite Joe qui essaie de la choper en heel. Après il revient en face, et puis en fait non, il est toujours heel. Et ça a duré un petit peu longtemps. Après c'est peut-être aussi la distance entre les, enfin le temps entre les takeovers qui fait ça. On a l'impression que ça traîne un peu en longueur, donc du coup il y avait peut-être moins cette excitation qu'au premier à la première rencontre, enfin oui, c'était la première dernière fois. Je sais pas, le celui à Brooklyn, c'était le premier. Donc Ouais, le premier affrontement, ouais. du coup ouais, ouais, impression un peu étrange. C'était un bon match. Voilà. Ah bah Samoa Joe, c'est forcément bon, hein. Giscal, dis-nous tout. Écoute, bah voilà, ouais, c'était un bon match, mais sans plus. Enfin, je reste avec un goût un peu bizarre dans la bouche, parce que c'est vrai que pour un main event de takeover de 22 minutes entre deux manifestes, enfin voilà, moi je suis moins suiveur, hein, donc je les connais que depuis qu'ils sont arrivés dans le giron de Vince McMahon, mais pour des mecs qui sont annoncés comme étant des légendes absolues du business, j'étais un peu déçu. Après, je dirais pas que c'était un mauvais match. En effet, c'était même plutôt intéressant dans la façon dont il a été booké. Je trouve qu'il était booké plutôt intelligemment, parce qu'en fait Nakamura, certes, il s'est fait dominer pendant tout le match, mais en fait il a un style tellement violent et agressif qui peut, en fait, c'est tout se base sur ses coups de genoux et ses coups de pied et tout, en fait, qui font qu'à n'importe quel moment, sur un coup, il peut complètement retourner le momentum du match. Donc c'est vrai que bon, plusieurs fois pendant le match, il étourdit un peu, il stun Samoa Joe avec ses coups, mais bon, bah finalement, l'histoire c'est que voilà, Samoa Joe était trop puissant sur ce coup-là et à chaque fois réussissait quand même à le garder sous contrôle. Et donc c'est pour ça que je trouve que dans le booking c'est plutôt intelligent, parce que le champion apparaît juste, enfin le nouveau champion apparaît très fort, et Nakamura a quand même genre mangé un nombre de punitions physiques dans ce match. Qui est quand même aussi impressionnante. Donc je trouve que voilà, au niveau de l'écriture, c'était pas mal. Après, dans l'exécution, on aurait peut-être pu s'attendre un petit peu mieux. Voilà, c'était un match qui mérite la moyenne un peu plus, mais j'étais un peu déçu vu le calibre des mecs en place. Ouais, bah je pense que le gros problème, c'est que Nakamura, il a rien fait dans le match, hein, au final. C'était que Samoa Joe, que Samoa Joe. Bah, s'ils font une belle, hein, on aura peut-être les deux qui vont enfin chacun dérouler de leur côté. Et puis on aura peut-être le match 5 étoiles qu'on attend. Maintenant, effectivement, ça restait fort divertissant. Alors, c'est pas le mot de la fin, c'est le mot du milieu. Et donnez vos tops, vos flops et puis une note, mais en vitesse, hein. D'accord. Léonc. Du coup, bon, c'est facile, hein, franchement, mon top. Alors, je vais pas mettre le match parce que sinon c'est trop facile. Je pense que Giscard il va faire pareil. Donc du coup, Ça va, hein. je vais mettre mon top, c'est Revival. Revival qui il y a un an. Un an et demi, était vraiment pas capable de faire ce qu'ils font aujourd'hui. En fait, ils ont une progression qui est incroyable, quoi, dans le ring. Donc voilà, je les adore. C'est fait partie de mes tag team préférés avec American Alpha. Et puis Brizango. Voilà. juste pour leur gimmick. Voir si on suivait ce que tu racontais. Non mais non mais voilà et donc qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est dommage. Enfin, American Alpha, là, on en parlera, mais je suis beaucoup moins excité par American Alpha depuis qu'ils sont à SmackDown, hélas. Et dans les flops, et bah. Bah non, mais je vais dire le booking de Samoa Joe Nakamura. Enfin, je veux dire, laissez un. Vous avez deux champions qui sont censés, enfin, qui sont adorés par tout le monde, et tout le monde considère que j'allais dire des super brutes. Nakamura est moins considéré comme une brute, mais bref, c'est des tueurs, quoi, dans le ring. Et là, il y avait qu'un seul tueur, quoi. Il y avait un gars qui essayait de s'en sortir vaguement, mais il y avait qu'un seul tueur dans le ring. Et du coup, on n'a pas eu l'équilibre qu'il peut y avoir dans un Kevin Owens contre Sami Zayn, ou l'équilibre qu'il peut y avoir dans un Finn Balor contre Samoa Joe, dans ce genre de match qui rassemble deux mecs qui sont excellents techniquement et qui savent faire des allers-retours et nous impressionner, etc. Comme l'a dit Ring, c'est peut-être l'histoire du match et ce sera l'objet de la belle, on ne sait pas. Hein. Peut-être que c'est justement pour la belle, mais bon, c'est vrai, je suis d'accord. Ah oui, j'ai oublié la note. Et Ta bah, note, ouais. note, je vais mettre. Allez, 3,5. Parce que le main event était pas terrible, le match des filles était vraiment bof. Mais les deux premiers. Enfin, pas les deux premiers, mais du coup, le premier, Tidy Injure, et puis le tag team, bon, vraiment. Surtout le tag team. C'était vraiment des super bons moments. Donc, j'ai passé vraiment bon pay-per-view. Ok, fiscal. Allez, j'enchaîne rapidos. Bon, le top, vous voyez, ouais, bon voilà, ça va concerner le même match. Je vais donner en particulier dans le match tag team de milieu de show, mon top, ce sera le near fall que j'ai trouvé absolument dingue où DIY pique le Shatter Machine. Et quand ils ont pas réussi à gagner là-dessus, je me suis dit que vraiment ça sentait très très mauvais pour leurs fesses. Et j'ai vécu les 3-4 dernières minutes du match absolument sur le bord de mon canapé. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment excellent ce moment. Mon flop, ça va être le finish, le booking du finish de Authors of Pain contre TM61, là, le coup de la chaîne. Je trouve que, au final, à bien y réfléchir, c'était le seul vrai moment faible de tout le pay-per-view qui, après, même dans ces moments un peu moins forts, était quand même très correct. Et du coup, bah, ma note, voilà, c'est pay-per-view avec des excellents moments et dans l'ensemble, pas vraiment de grosses faiblesses. Donc j'avais mis 3,5 aussi. Moi, je trouve que c'était une bonne note. Ok. Bah moi, je vais mettre en top le match par équipe, hein, le championnat par équipe. De toute façon, il Plus n'y avait pas cher. mieux. Je suis désolé. On est obligé de mettre ça. Dans les flops, je vais glisser Mickie James. Son retour, c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. Et puis la note, je vais être plus généreux que vous. Moi, je vais mettre un bon 4. Hein. Voilà, moi j'ai bien aimé le main event quand même, même si on n'a pas eu beaucoup de Nakamura. Je suis complètement fan de Samoa Joe, donc c'était du pur bonheur pendant 20 minutes. Et puis comme j'ai bien aimé aussi la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic, voilà, j'ai pas grand-chose à Bah redire oui, sur non, mais ce. du coup, c'est très bien. Voilà, ça remonte carrément la note. Voilà ce qu'il en était de NXT Takeover. Donc jetez-vous hein, sur ce show, voilà, si vous aimez le catch, hein, il n'y a pas beaucoup mieux que ça. À part peut-être ce Survivor Series du 20 Ah. novembre 2016, toujours à Toronto, toujours à l'Air Canada Center. Alors, Survivor Series, hein, c'est simple, c'est des équipes de 5 qui s'affrontent. Les tombées, les disqualifications, les soumissions, ça équivaut à une élimination. Et c'est la dernière personne qui survit, qui gagne, du moins la dernière équipe avec où il reste des survivants. Donc, c'est Monday Night Raw qui affronte SmackDown, hein, les deux émissions. Il y aura trois matchs, un avec les filles, un avec les garçons et un avec les équipes. Avec les animaux. Les animaux. S'il y en avait eu un quatrième, ça aurait été ça. C'était ça. Alors, on va passer peut-être rapidement sur le kick-off. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh non, ouais, non, mais. Chut, mais on n'est peut-être pas obligé d'en On parler. s'en fout, hein. Ouais, Un non. match de cruiserweight qui est gagné par les gentils. Je sais Et plus en plus ça peut faire. Hein. Kane qui bat Luke Harper avec un chokeslam. Pratique. Voilà. Alors, pour les filles, c'est le combat élimination. D'un côté, l'équipe Raw avec Charlotte Flair, la championne, Sasha Banks, Bayley, Nia Jax, Alicia Fox. Et il y a Dana Brooke en mascotte. Et pour SmackDown, c'est Natalia, Becky Lynch, la championne. Natalia qui remplace au pied levé Nikki Bella, qui a été agressée dans les coulisses par une mystérieuse attaquante. Il y a aussi Alexa Bliss, Carmella et Naomi. Alors le match a duré 17 minutes 53. Donc Natalia remplace Nikki Bella, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et on démarre le match avec Alicia Fox contre Becky Lynch. Puis c'est Bayley qui prend le relais, mais elle est taguée par Charlotte, qui est ensuite taguée par Sacha. Donc il y a clairement de la dissension dans l'air, ce qui amène à une bagarre générale jusqu'à ce que Nia Jax fasse le ménage. On se retrouve ensuite avec Becky Lynch contre Charlotte, puis Nia Jax revient, elle enchaîne les adversaires, hein, d'abord toi, elle le jette, elle dit donnez-moi quelqu'un d'autre, elle la jette, jusqu'à ce qu'il y ait Natalia qui rentre dans le ring. Alors là, ça se bastonne un peu plus. Il y a Carmella qui fait un tag aveugle, donc elle se retrouve à deux contre Nia Jax. Elle tente un double coup de bélier, mais Nia Jax répond avec une double clothesline. Elle fait le tag avec Alicia Fox pour que Alicia Fox aille affronter Carmella. Carmella, elle est éliminée à la suite d'un ciseau de jambe de Alicia Fox complètement botché. Alicia Fox se fait ensuite éliminer par Alexa Bliss avec son saut finisher suicide, là, retourné triple bouclé. Ensuite, Nia Jax affronte Naomi. Donc, ça va se terminer à l'extérieur du ring, c'est-à-dire que Naomi va faire un crossbody depuis l'extérieur du ring. Mais quand elle va vouloir remonter dans le ring, Nia Jax va réussir à l'écraser contre le poteau. Naomi est éliminée par un décompte extérieur, du coup, elle n'arrive pas à se relever, elle est à l'extérieur du ring. On se retrouve ensuite avec Alexa Bliss contre Sasha Banks. Il y a un joli déroulé de Sasha. Ensuite, Natty prend le relais. Elle réussit à éliminer Sasha Banks sur un roll-up après petite dispute là sur le côté du ring. Natalia affronte Charlotte. Hein, on a un remake de leur affrontement d'il y a quelques mois. Il y a un German Suplex. On place un sharpshooter, mais Charlotte réussit à s'échapper. Elle a réussi à placer un big boot sur la reine de cœur qui est éliminée. Ensuite, ça se dispute entre les deux survivantes hein, de l'équipe SmackDown, parce qu'il reste plus que Becky Lynch et Alexa. Donc là, Nia Jax entre en scène. Elle arrive à faire un double suplex sur les deux. Les filles, elles réussissent à placer un espèce de double DDT complètement botché. Et Becky Lynch arrive à placer le disarmer sur Nia Jax, qui est obligée d'abandonner. Charlotte élimine ensuite rapidement Alexa Bliss grâce à un nouveau Big Boot. Le chemin de croix commence alors pour Becky Lynch, qui se retrouve face quand même à Bayley et la championne Charlotte. Mais elle sait se défendre. Elle réussit à placer une énorme descente de la cuisse depuis le coin du ring sur Charlotte. Mais Bayley, comme une sale heel qu'elle est, vient casser le tombé. Becky Lynch tente le disarmer sur Bayley, mais Bayley va se réfugier dans les cordes. Ça se tire d'un côté, de l'autre, et Bayley réussit à placer le Bayley to Bayley sur Becky Lynch. Au Le moins, tombé, 1, 2, 3. elle a vendu l'hésitation hein, quand elle a cassé le tombé. Ouais, oui, on a bien vu que ça l'a travaillé au corps. C'est pas son style. C'est ça. Elle était contre sa nature. Elle s'est fait violence. Donc bah, c'est l'équipe de Raw, donc de Monday Night Raw qui gagne. Et Charlotte, tout sourire, vient fêter la victoire avec Bayley avant de lui exploser la tête et d'aller l'exploser contre les barrières d'insécurité, comme ça se fait classiquement. Ça c'était pas bien ça. Ça c'était dégueulasse. Ah, Non, je dis ça, bou, c'est moi je dis moi je dis dégueulasse, bou, y a pas de mot. je dis bou à la victoire de Raw. Ah oui, mais ça je suis d'accord, oui, je suis pas content. Mais Bon. ce soir vous allez voir que je crache sur mon équipe. Bravo. Non mais l'histoire parfaite pour moi, c'était que Becky Lynch était la dernière et qu'elle se battait mais comme une guerrière, comme son personnage quoi, et qu'elle réussisse quoi, le truc qui était impossible à faire et qu'elle réussisse et du coup qu'on montre que Becky Lynch est au niveau des meilleurs de Raw. Et on Mais pourquoi tu veux mentir aux gens comme ça? C'est pas vrai, elle est pas au niveau, et ça c'est vu. Mais donc du coup là ouais moi c'est je m'y enfin je vais pas dire je m'y attendais mais pour moi la marque de ce pay-per-view c'est que ce pay-per-view a été booké par l'équipe de Raw en fait. Mais donc voilà, c'était le premier exemple, c'est-à-dire qu'ils pensaient là, ils pensaient vraiment qu'à leur gueule, ils pensaient à la rivalité Charlotte Bailey, ils pensaient voilà et bon, on push encore Bailey hein, si besoin était, mais voilà ouais moi j'ai trouvé ça vraiment dommage, c'était l'occasion rêvée de monter un petit peu ouais cette division féminine de SmackDown qui est considérée un petit peu par l'esprit collectif comme moins bonne parce que de l'autre côté on a les méga stars, enfin on a trois méga stars d'NXT, Charlotte, Sasha Banks et Bayley. Bayley. Et donc voilà, ça aurait été bien et puis surtout ça aurait installé cette espèce de Alors, j'aurais pas dit de rivalité, mais ça aurait mis une petite graine pour quelque chose à faire à WrestleMania. Et là, non, ouais, voilà. Pour moi, ça a été. Du moins, alors, ce match a été booké par l'équipe de Raw, quoi. Pas juste parce qu'ils ont gagné, mais juste parce que l'intérêt au niveau storyline et les dissensions et tout ça, c'était du Raw. De tout le match, Sasha Banks contre Charlotte, etc. C'était du Raw pendant tout le match. Pour moi. Donc voilà. Mais le match était sympa. Le match était sympa à regarder. Et j'ai adoré, franchement, jusqu'au finish. J'étais les yeux écarquillés. J'adorais. Becky Lynch a fait un match incroyable. De bout en bout, elle a une. Vers la fin du match, je me disais, mais l'endurance qu'elle a. Elle a pas arrêté, quoi. Donc, bravo Becky et désolé Becky. C'est vrai qu'elle a été clairement impressionnante. Bon, écoute, si c'est Raw qui a booké ce match, bah, je les remercie alors d'avoir fait que Natalia pine Sasha Banks et que Becky Lynch arrive à soumettre le monstre Nia Jax, parce que j'ai trouvé que c'était plutôt sympa pour SmackDown alors à ce moment-là. Ouais, mais il n'y a que des stars. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, t'es obligé d'éliminer une. T'es Eh obligé d'éliminer une ben, star, oui, certes, c'est mais. comme New Day, plus tard, quoi. Mais bon. Ouais. Non, bah écoute, je sais pas. Fondamentalement, je suis pas totalement. Enfin, je suis pas en désaccord avec toi dans le sens où le résultat aurait pu être inversé et on serait arrivé à peu près à la même chose puisque Charlotte aurait très bien plus agresser Bayley après la défaite pour dire c'est de ta faute. Oui, Voilà. exactement. En plus, c'est pas logique. Enfin, pour moi, c'est pas logique. Ça aurait pu fonctionner comme ça. Bon, ça me dérange pas que Becky Lynch perde. C'est vrai que c'est dommage que ça se serait bien allé à son personnage de combattante, mais parfois, enfin les héros réussissent pas toujours à surmonter tout. Et donc bon, bah là, manifestement, dans ce match, l'histoire ça reste dans le prolongement de Hell in a Cell, à savoir que c'est vraiment Charlotte, la méga star, qui a donc c'est la seule quelque chose qui a éliminé plus qu'une personne dans ce match. Hein. Elle a éliminé Natalya et Bliss. Elle a largement contribué à l'élimination de Becky Lynch. Donc c'est clairement le point focal, c'est elle qui voulait faire gagner ce week-end pour continuer à la construire comme étant la championne incontestée de Raw et de la WWE de manière générale. Bah, écoute, c'est la ligne qu'ils ont choisie depuis plusieurs mois maintenant, donc c'est pas complètement incohérent que ça continue comme ça. Donc je suis pas déçu outre mesure. Et sur le match, bah sinon, puisque t'en as parlé un peu sur la fin, mais je partage ton avis. Enfin, j'étais vraiment très, j'ai trouvé que elles ont très bien rempli leur boulot dans cet opener. C'était très sympa. Les éliminations étaient fun. Il y avait un bon rythme. J'ai pas vu d'horreur, de gros botch comme il peut y en avoir parfois dans les matchs à plusieurs parmi les filles. Carmella et Alicia Fox étant sorties assez vite au bout de 6 minutes, ça a facilité aussi les choses. Donc voilà, écoute, très très bon opener. Bon bah voilà, un petit peu déçu peut-être sur le résultat, mais c'est parce que je suis du côté SmackDown, moi. Ok. Ouais, bon, moi je suis un peu comme Hank, j'aurais préféré voir une victoire de Becky Lynch pour l'imposer un peu plus dans le truc. Mais bah, effectivement, hein, visiblement, c'est Charlotte Ah bah la oui, c'est clair. nouvelle superstar dominante du roster, tout roster Le nouveau confondu. Roman Reigns. C'est ça, le Roman Reigns des femmes. Sa victoire à l'INUSEL, c'était clair et net. Hein. Ouais. Ils vont peut-être la garder invincible en pay-per-view encore Je pendant un certain pense. temps. Alors ça m'inquiète pour Bayley parce que si, maintenant s'ils veulent placer Bayley en super babyface, mais en même temps maintenant elle a l'adversaire idéal. Hein. Elle a Va l'adversaire falloir idéal qu'elle fasse tomber Charlotte. voilà, Voilà. pour Mais alors ça l'histoire de peut. la... Et tout ça va se finir avec un handicap match à WrestleMania. Mais oui, ils peuvent encore gâcher tout. Mais c'est bon. Par contre, pour SmackDown, il y a quelques rivalités qui se créent parce que je suppose qu'on va finir par découvrir qui est l'attaquante mystère Mais de qui? Nikki Bella. Mais qui? J'aimerais bien savoir. Qui cela peut-il bien être? Mais bon, ça va déboucher sur quoi? Natalia contre Nikki Bella, ça va pas être Probablement, super probablement. super passionnant. Ou alors c'était que Nikki Bella, elle voulait pas jobber ce soir, hein, ça peut arriver. Ce serait un return original. Voilà, parce qu'elle a fait une Hulk Hoganite ou une Shawn Michaelite. Mais sinon, après, pour un Survivor Series, match à stipulation, ils ont quand même bien scénarisé tout ça pour que ce soit quand même super divertissant. C'est rare que ce soit aussi bon quand même sur les dernières années des matchs de Survivor Series, mais ça va être un peu le cas toute la soirée. Voilà, donc un point pour Raw. Ouais, ça c'était le début Voilà. de mon 0 sur 3 là, parce que Mais t'as c'était des ouais, mais confitures, c'était tu... clair parce que en même temps on l'avait tous un peu dit, on savait qu'a priori celui qui gagnerait le match, enfin l'équipe qui gagnerait le match masculin perdrait les deux autres. Et moi j'avais dit que SmackDown gagnerait 2-1, donc vu qu'ils avaient perdu là, j'étais sûr que ce serait l'inverse, donc c'était foutu. C'est ça, c'est dommage, la logique parfois. Bon, on va enchaîner sur la suite avec le match intercontinental pour le titre qui oppose The Miz, le champion, à Sami Zayn. Le titre intercontinental, hein, c'est un titre qui est exclusif à SmackDown. Sami Zayn, il est à Raw. Le challenge qui avait été lancé à l'époque par l'ami Dolph Ziggler, hein, qui a perdu le titre Ouais, entre-temps. il a bien fait de lancer le challenge avant de Voilà. perdre son titre, ce connard. Le titre a été récupéré donc par The Miz. Il y a Maryse au bord du ring. Il y a Maryse, la belle au bord du ring. Et donc, si Sami Zayn gagne, ben, il ramène le trophée à la C'est-à-dire ceinture de Maryse. Monday Night. Oui, c'est si C'est-à-dire tu parles du Maryse. trophée, c'est Maryse. Eh bien, prêt à casser la gueule du Miz, hein, s'il faut. Alors, victoire du Miz au bout de 14 minutes 06 par filouterie. Après avoir travaillé la jambe de Sami Zayn tout le match, il place le Canadien dans la prise en 4, mais Sami Zayn réussit à s'en sortir. Et c'est ensuite le champion intercontinental qui se trouve coincé dans la prise fétiche de Ric Flair. Il est au centre du ring, il a plus d'échappatoire, et là la cloche retentit, alors que le Miz n'a pas encore tapé. En fait, c'est Maryse qui a pris le contrôle de la dite cloche. Sami Zayn, lui, pense avoir match gagné, il relâche la prise, il lève les bras pour fêter sa victoire, mais l'arbitre lui explique que en fait le match continue, il n'y a pas eu d'abandon. Et puis c'est ça, c'est la distraction qui suffit qui suffit au Miz pour faire un vicieux roll-up à Sami Zayn et ben, gagner le match, hein, parce que Sami Zayn n'arrivera pas à sortir du roll-up. 14 minutes 06, fin controversée, un match où en gros Sami Zayn et le Miz ils ont déroulé tout leur arsenal. Hein, c'était d'un côté comme de l'autre, ils ont épuisé tout ce qu'ils avaient à donner, je pense. Mon petit Hank, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Encore moi. Ah oui. Allez, J'ai fais pensé que escale alors. déjà tu m'as fait bien rire à dire la prise en 4. Ah bah écoute, Utilisons le habitue-toi là, français, c'est comme le, ça. le figure le figure 4. Ouais, bon, alors je vais passer en premier. Donc du coup le match était cool. J'ai pas vraiment retenu grand chose en fait de ce match. Enfin, si le Miz toujours toujours aussi bon depuis des mois. Hein, il fait des bons matchs, quoi. Il fait plus juste des vieux matchs de heel qu'il faisait avant, un peu voilà, un peu pato, un peu feignant, comme dit Daniel Bryan. Chiant, quoi. Ouais. Justement, maintenant, il fait voilà, il fait ses quelques passages parodiant Daniel Bryan avec le moment où le mec est comment à terre. Enfin, il est merde, je sais plus comment dire. Enfin À bref, il genoux. ouais à genoux et Elle il lui balance est 5-6 coups dans le thorax. Et puis donc voilà, Sami Zayn pareil avec son petit saut là sur la barricade qui est toujours impressionnant là, son flip où il saute sur la barricade, il fait un backflip sur son adversaire. Donc ouais, on avait tous les spots classiques des deux. L'embêtant pour moi, mais on va dire encore une fois que je réfléchis trop, c'est que dès que j'ai vu qu'il y avait Maryse à côté du ring, ce qui était prévisible, hein, mais dès que j'ai vu qu'il y avait Maryse à côté du ring, j'ai fait, il y a une chance sur 1 million. Genre, un milliard même. Il y a une chance sur 1 milliard que Sami Zayn gagne. Surtout que Sami Zayn, c'est pas spécialement un mec violent. Enfin, c'est-à-dire, on peut pas se dire, genre, le Miz va être vraiment dans la merde. Donc. Il n'est pas connu pour sa winning streak non plus, sa misaine. Non Non plus. plus. Non plus, c'est un petit peu. On lui donne des petites chances histoire de. Hey, ce soir, t'auras la lumière sur toi. Non, t'auras pas la ceinture, t'auras juste la lumière. Donc voilà. Et puis. Non, mais donc voilà, c'est tout bout. C'est un match pour rien, finalement. Mais. Pour moi, ça a pas prouvé grand chose. Enfin, ça n'a pas prouvé plus de choses sur Sami Zayn que ça, vu qu'il a perdu et qu'il était toujours aussi bon qu'il l'est d'habitude. Et le Miz a fait exactement le même genre de finish qu'il fait depuis 3 mois à SmackDown. Donc, on n'a vraiment rien appris avec ce match et rien n'a changé. Donc, bon, voilà. Bah, au final, non mais c'est marrant parce que en fait, j'ai à peu près la même lecture que toi du match, sauf que ma conclusion c'est juste, enfin c'est pas grave quoi, que on n'ait rien appris ou que rien n'est spécialement avancé. C'était un showcase match entre Raw et SmackDown là pour le titre intercontinental, Ouais, mais non, probablement. mais voilà, c'est pour le titre intercontinental. Pour moi, c'est pas un showcase match. Un showcase match, Bah, c'était Brock Lesnar contre Goldberg, par exemple. oui, mais c'est dans le C'était. sens où, c'est-à-dire que ce match n'appelait pas forcément de suite. On savait que c'était un match interbrand. Si le champion gagne, bon, ben, il repart chez lui. Donc en soi, pour un match one shot, moi j'ai trouvé qu'ils avaient fait le taf, ni plus ni moins. C'était du miss. Enfin, tu l'as dit, mais moi, ça, en fait, tout ce que tu as dit, je suis d'accord, mais c'est juste que moi, ça m'a pas dérangé. En fait, le Miz a fait du Miz, c'est-à-dire qu'il est vraiment toujours aussi bon là depuis des mois. Maryse a encore été super super fun autour du ring. Sami Zayn a été très impressionnant pendant tout le match, mais bon, une fois de plus, perd quand ça compte et bon bah et rate le coche en se faisant gruger. Le pauvre, il est toujours du mauvais côté de la décision quand ça se passe comme ça. Moi, je trouvais que le petit moment avec la prise en 4 et tout, où la cloche sonne, j'ai un peu flippé parce que je pensais vraiment que le Miz avait tapé. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas trop mal exécuté le finish. Parce que vraiment, tu t'avais un petit doute, tu dis, ah, il a tapé, j'ai pas bien vu, parce que l'angle de caméra faisait qu'on voyait plus l'arbitre et Sami Zayn à ce moment-là. Donc c'était pas mal. Maintenant, est-ce que vraiment, vraiment, ce sera sans lendemain? Je sais pas, j'attendrai peut-être ce soir SmackDown pour savoir si ça va être sans lendemain, parce que le Miz avait quand même pas mal menacé Daniel Bryan s'il gardait son titre. Il s'est passé d'autres choses dans le show avec un autre catcheur qui vont faire que Daniel Bryan va pas être très très content non plus. Donc on pourrait tout à fait envisager que Sami Zayn se retrouve à changer d'émission suite à tout ça pour continuer, parce qu'après tout il s'est fait gruger quand même. Ouais, bah ouais. Donc je sais pas si ce sera tellement sans lendemain que ça. Après, Non, mais fondamentalement, c'est pas. Ce que je suis en train de dire, c'est bien sûr qu'ils peuvent ramener Sami Zayn à SmackDown. D'ailleurs, pour moi, enfin, Ça me paraît totalement logique parce que voilà, bah, Brian en parle depuis des semaines et que là, il y a une rivalité toute faite. Oui. Mais ce qui m'embête, c'est juste que j'ai eu l'impression de voir. C'est un peu comme si, je sais pas, tu regardes tous les, enfin, les matchs de Sami Zayn des dernières semaines à Raw, les matchs des dernières semaines du Miz, et tu colles juste les deux et c'est juste ça en fait. Y a rien eu de d'étonnant, de nouveau, Non, pas ça eu c'est vrai, ça. d'intervention de extérieur, du coup pas de changement de titre, pas de voilà, donc du coup c'est voilà, j'ai eu l'impression de regarder un mix des weekly, enfin, mais qui Non, était mais je vois ce pas, que tu veux c'est dire. ouais, voilà. Mais bon, ça restait. Enfin voilà, moi, je trouve que ça n'en fait pas pour autant un match moyen ou c'était plutôt bon, je trouve. Puis après, bon, bah, voilà, c'est-à-dire que l'essentiel sur ce pay-per-view, on va dire, était ailleurs. Ils cherchaient pas à nous surprendre sur ce match-là, je pense. Dire que c'est un solide match de mid-card. Voilà, tout simplement, il en Voilà. faut un pay-per-view. Ouais. Exactement. Bon, on va enchaîner. J'ai pas grand-chose à dire de plus par rapport à ce que vous avez dit là-dessus. Donc la suite, le tag team elimination match traditionnel sur Survivor Series. Je suis tous les mots dans le désordre. Team Raw d'un côté avec le New Day. Donc le New Day c'est Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods. On a la Team Soft, Enzo et Big Cass. On a Cesaro et Sheamus. On a le club, alors c'est plus le club, c'est Luke Gallows et Karl Anderson. Et les Shining Stars, Primo et Epico. J'allais dire le Donc Dunpeller, SmackDown. Si, non? j'en aurai tous les noms, c'est écrit sur ma feuille. Les champions, donc du côté de SmackDown, Heath Slater et Rhino. Les Hype Bros, American Alpha. Les Uso et Brisango. Quand c'est SmackDown, tu donnes plus les noms, par contre. D'accord, ok. Je retiens. Ils ont des noms à SmackDown, les gars. Ils Fandango. n'appellent pas 1 et 2. Non, mais je remarque que c'est biaisé ici. Voilà. Mojo Rawley, Zack Ryder, hein, les Hype Bros. Jason Jordan et Chad Gable chez les American Alpha. Jimmy et Jay, les fameux Uso. Tyler Breeze et Fandango, les Merci. amis de Hank. Et là maintenant, il va faire Alors. tout le match. On peut partir pendant 20 Voilà, minutes. c'est parti. Non, je fais juste les éliminations. Hein. Je suis pas comme ça. Donc Fandango, il se fait éliminer direct d'entrée de jeu par New Day alors qu'il est en train de distribuer des petits, comment dire, des amendes hein, pour vestimentaire. Contravention. Voilà. Jey Uso surprend alors Kofi Kingston. Et le New Day est éliminé directement par un super kick hein, de Jey Uso. Ryder est ensuite éliminé par Gallows et Anderson après un Magic Killer. Primo, il se fait piner, j'ai envie de dire, j'osais pas le dire, par les American Alpha sur C'est un grand ça, il se turpitude. fait piner. C'est ça. Hein. Donc, plus tard, un Magic Killer sur Jason Jordan, exit American Alpha. Rhino ensuite élimine Gallows avec son gore. Rhino se fait de suite cueillir par un Bigfoot de Cass. Ce Satan et Big Cass. Enchaîné sur le Frog Splash de Enzo, c'est le Boom Shakalaka, je crois que ça s'appelle. Badaboum chakalaka, ouais. Voilà. Donc là, au revoir pour les champions de SmackDown. Jey Uso élimine Enzo avec un Frog Splash. Ensuite, c'est Sheamus qui prend Jimmy sur ses épaules pour lui placer un White Noise depuis le coin du ring. Mais c'est le coin du ring de SmackDown. Donc Jey réussit à faire le tag. Et il va faire un splash sur Sheamus. Il va tenter de le couvrir, mais Cesaro casse le compte avec un stomp. Cesaro prend le contrôle du match contre les Uso. Il fait un 619 sur Jay. Il enchaîne avec un uppercut sur Jimmy. Il fait un diving crossbody sur Jay pour le couvrir, mais le Samoan se dégage. Cesaro enchaîne avec sa toupie. Il va enchaîner sur un sharpshooter, mais Jimmy lui fait un super kick. Il se lance un suicide sur Sheamus. Ah, il fait un super kick et puis après il va faire un saut suicide sur Sheamus. Ah, ça y est, il a enfin ce sentiment que j'ai chaque semaine où j'essaie de faire. Ouais, j'ai piqué le résumé sur un site internet. Jay enchaîne avec le Tequila Sunrise sur Cesaro, mais Cesaro le renverse en sharpshooter au centre du ring pour le faire taper. Jimmy tente d'intervenir, mais il se fait cueillir par un broad kick de Sheamus. Jey Uso finit par taper et c'est encore une fois la victoire de Raw. Monday Merde. Pro 2 à 0 contre SmackDown. Alors, Giscal, on fait moi le malin. Bah là, on va, là, ça va pas du tout à ce moment-là de l'émission. Moi, je suis au fond du trou parce que SmackDown est out, là, hein, à part le Miz qui avait gagné, mais en tout cas dans la série des trois matchs, ils sont déjà out, c'est sûr. Ouais, écoute, ben, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais enfin moi, en tout cas, c'était mon match, donc pas du week-end, hein, parce qu'on a déjà parlé du match du week-end, mais moi, c'était mon match de la soirée. J'ai trouvé que ce match était juste trop cool. C'était un des meilleurs Survivor Series dans la dynamique, dans le flow, on va dire, depuis un bon bout de temps. J'ai vachement kiffé ce match. Je trouvais qu'il avait vraiment la durée et le format parfait, avec des éliminations à toi, à moi, toutes les équipes, sauf bah, du coup Breezango, ça c'est pas plus mal. On a évacué la comédie d'entrée de jeu. Et le New Day, ça c'était la grosse surprise. À part ça, les éliminations étaient assez tardives. L'élimination du New Day, moi, m'a fait halluciner. Alors là, franchement, c'était assez dingue. Voilà, en fait, j'ai trouvé que le match était dingue, surtout le finish que j'ai trouvé excellent, où on avait un peu une ambiance, je sais pas si vous êtes, si vous voyez ce que je veux dire, mais on avait un peu une ambiance de Royal Rumble, je trouve, sur la fin, où finalement, on est crème, et puis on arrive au moment où on arrive à l'élimination fatidique avec une longue période de stress. Avec deux équipes qu'on n'attendait pas du tout à cet endroit-là, bah à ce moment-là, les Usos et Cesaro et Sheamus. Et là, on sait que le moindre tombé, la moindre soumission peut être fatale. Donc il y a ce sentiment d'urgence, un peu d'excitation qui s'empare du ring. On sait que bah, tous les moves peuvent être décisifs. Et j'ai trouvé que les 5 dernières minutes du match où ils se sont fait le mano à mano, là, les Usos et Cesaro contre Sheamus, avaient cette ambiance un petit peu particulière de Rumble. Et je trouvais qu'ils avaient très très bien exécuté ce finish, donc c'était super sympa à suivre. Sinon, écoute, le résultat est quand même assez intéressant. Cesaro et Sheamus qui sortaient d'une période compliquée où ils avaient raté leur title shot et ils continuaient à se foutre sur la gueule, bah, ils se retrouvent à gagner contre toute attente ce 5 contre 5. Du côté de SmackDown, les Usos ont quand même éliminé les deux équipes, les Monster Face super favoris. Ils ont éliminé le New Day et la Team Soft, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et pareil, on les attendait pas dans la dernière ligne droite. Donc j'ai trouvé que ce match était super intéressant. Et finalement, le vainqueur après n'avait pas trop trop d'importance. Tout le monde avait bien brillé. Donc voilà, c'était très bien. Il l'a dit, le vainqueur n'avait pas d'importance. Ah, ça c'était le problème. Ça. C'est le problème de toute la soirée. Hein. Mais enfin, il n'a pas. En fait, les vainqueurs n'ont pas d'importance à part si on commence à parler un peu méta, la direction de la WWE, qui décide, etc. Mais oui, le match était excellent. Le seul bémol que j'ai sur le match, c'était pourquoi ils ont donné autant de temps aux Shining Stars. Mais Shining Stars, ils ont passé genre 5 minutes à dérouiller, je sais plus qui d'ailleurs, de l'équipe adverse. Bah, c'était Gable, Jordan et Gable, je crois. Ouais, Gable, mais alors, mais genre la pire équipe de Raw qui défonce la meilleure équipe de SmackDown. Comme ça, et puis alors c'est ouais, non, c'était un peu chiant ça. Bon, ça va, ça a pas duré non plus 2 heures, mais ça a duré 2-3 minutes, je crois. Mais ouais, non, mais ils étaient, je me dis, mais quand est-ce qu'il est tag? Ces types là, ils sont censés être éliminés au bout de 2 minutes. C'est un peu le voilà, c'est le Breezango de l'équipe adverse. Même si Breezango sont bien au-dessus techniquement, mais oui, je le dis, je le dis. Je suis d'accord avec Hank. Le truc très intéressant. Breezango est au-dessus des Shining Stars, ça vous dit techniquement? Non, mais le truc c'est que Breezango, on les voit jamais catcher. Faut regarder Main Event pour les voir catcher. C'est ça le truc. Ou Superstars. Et donc du coup, Fandango, il fait pas grand chose quand même. Je veux bien. Non, mais ils ont des enchaînements qui sont sympas. Équipe, c'est pas des. Ouais, non, c'est une bonne équipe, mais ce que je veux dire, ils sont plaisants à voir. Ils sont plus plaisants à voir que les Shining Stars. En tout cas, c'est ce que je veux dire. Je suis d'accord. Hein. Mais et ce n'est pas du tout raciste que j'ai à le dire. Tiens à le préciser. Et donc, d'ailleurs, j'ai un ami. Moi-même un ami, portoricain. Et donc, le match. Ouais, bah le truc de New Day, je vais pas dire que je l'ai vu venir, mais moi ça m'a pas surpris parce que c'était les deux équipes gag, Besoin. les deux équipes les plus débiles, on va dire, qui se sont l'une après l'autre, enfin du coup qui ont été éliminées l'une après l'autre. Donc voilà, et puis je pense pas que New Day aurait été un bon candidat pour prendre l'affrontement final au sérieux. Puis New Day perd tout le temps, hein, rappelons-le, c'est un peu leur gimmick, hein, ils perdent tout le temps, sauf quand c'est pour leur ceinture. Donc voilà, quoi d'autre? J'ai été ouais, aussi un peu déçu de... Alors j'avais dit le seul truc dont j'étais déçu c'est les Shining Stars. Mais juste Chad Gable et Jason Jordan, j'ai pas trou... je trouvais qu'ils étaient pas super bien mis en valeur. Enfin... Ah bah Ils ont pas clairement, eu ouais. beaucoup de temps, Ça, non, ils ont pas eu beaucoup de ils temps. étaient pas C'est le gros là... Tout problème ce du qu'ils ont match, fait, moi je c'était trouve, hein. les espèces de gros spots où ils tentaient de sauter, je crois, sur les autres qui étaient dehors, mais sinon, à part ça, tu vois, ils n'avaient pas de grands moments. Tout le monde attendait un petit peu la consécration pour American Alpha. Je pense que cette blessure les a bien retardés et que maintenant ils sont un peu passés. Ils sont pas. Ils sont. Ils... Faut attendre leur tour, Quand je ils sont pense. Il y a un arrivés à gros SmackDown, problème ils étaient avec pushés. American Alpha. Quand ils sont arrivés à SmackDown, ils étaient pushés à mort. Enfin, genre, tout le monde, c'était attention, American Alpha, ils étaient entourés, quoi. Il y avait eu cette séquence où tous les tag teams étaient autour d'eux et tout. Ça déconnait pas, quoi. C'était la menace suprême. Et maintenant, ouais, ils sont repartis un petit peu plus bas dans Je la pense que carte. la blessure leur a fait du mal, hein, comme tu dis. Hein. Et puis entre-temps, il y a eu l'émergence complètement improbable de Slater et Rhino. Donc les événements font que bon bah ouais, faut qu'ils patientent encore un peu, je pense. Ouais. Ouais, et donc voilà, moi j'ai trouvé ça bien et aussi logique que Cesaro et Sheamus soient les derniers parce que c'était pile le bon moment, tu vois, le bon événement pour les rassembler. C'est ce que d'ailleurs ce que je trouve très dommage parce qu'ils avaient le moment ultime pour à la fin se serrer vraiment la main, et ils ont refait le gag alors que ça aurait été tellement plus cohérent que là, cette fois-ci, au bout d'une bataille qui a duré 20 minutes, ils se rendent compte que voilà, c'est ensemble qu'on est meilleur. Et puis les Ouzo, excellents aussi. Hein, putain, les Ouzo, ils sont tellement bons. C'est Ils sont vraiment forts. depuis leur passage heel, Ouais. ils sont. J'adore. J'adore, j'adore. Donc j'ai adoré le match. Une nouvelle fois pour moi, hein, du moins de mon point de vue, le finish est une nouvelle fois fait pour faire avancer les choses chez Raw, hein. Voilà, même s'ils sont pas serrés la main, on voit que voilà, ils sont passés à une étape supérieure. Cesaro et Sheamus, maintenant ça va être des vraies menaces et pas juste une nouvelle tag team. Donc voilà. Mais c'était un très bon match et sûrement le meilleur de la soirée. Ouais, si on prend juste, ouais. Si on prend le concentré, au niveau temps et qualité du match, c'est le meilleur de la soirée. Il y en a eu un autre qui avait des très bons moments et qui était un peu long quand même. Ouais, 18 minutes 55, je sais pas, j'ai donné la durée de celui-là. Moi, ce que je trouve dommage, c'est franchement le traitement des American Alpha. Je pense que c'était l'occasion de les faire briller clairement. Surtout qu'ils ont mis pas mal en valeur Gallows et Anderson, alors que je suis sûr qu'ils vont pas en faire grand-chose derrière. Et puis, je pense pas que c'était le Une meilleur moment. Cesaro et Sheamus, ils auraient pu les monter avant, quoi. C'est un peu dommage qu'ils prennent le feu des projecteurs ce soir. Une nouvelle fois, un truc pour faire avancer les choses chez Raw. C'est ça. Ouais, on sent hein, que sur SmackDown, c'est un peu mis. Ils n'ont pas mis l'accent là-dessus, quoi. C'est l'accent sur plutôt ce qui se passe à Raw et ça va servir à Raw. Oui, c'est comme ils savent pas écrire les Raw. Nous, on n'a pas besoin en pay-per-view à SmackDown, c'est parfaitement écrit, donc on a, ça se passera en hebdomadaire, nous, les avancées. C'est ça. Je pense que ça joue là-dessus aussi, mais il y a quand même un gros charisme qui ressort encore une fois de Sheamus et Cesaro à la fin du match. Hein. Comme tu disais, on se serait dit effectivement un peu C'est vrai, ce c'est truc mignon. de Royal Rumble, mais parce qu'ils ont ce truc aussi, les deux-là, de rendre un peu les finales épiques. Derrière les Usos, ils ont assuré comme jamais. J'ai adoré l'attitude de Jey Uso quand il a mis après le super kick sur Kofi Kingston en début de match. Ouais. C'était vraiment en mode badass comme ça. Allez, Ça, allez, comme dégage. ça, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup comme ça, ouais, voilà. En faisant des gestes de la main, vas-y, tu sortais les poubelles, là. Non, ça fonctionne très bien. Les Usos, non, je trouve que c'est dommage pour les American Alpha. Alors peut-être qu'il faut attendre un an encore avant qu'ils soient mis sur le devant de la scène, mais je pense que c'est Je l'occasion un peu de m'inquiète les pas faire. trop quand même hein, pour eux, mais bon. Ouais, Ouais, mais clairement, je tu pense. sais, il y a aussi une date de péremption sur Ouais. la pop et la popularité en général d'une tag team. Hein. Il y a eu d'autres mecs, enfin, souvent des Ils enchaînent un superstars petit peu seuls, et mais qui ont une bonne pop au début, et puis finalement ils sont bookés un peu moyennement, et puis on commence à les oublier un petit peu, puis le lendemain on se rend compte, ah bah c'est un mid-carder sympa. Salut peut-être qu'ils vont Sami des Zayn! Coucou! mais non. Mais franchement, les American Alpha, moi je me fais pas de soucis. Ils ont un style qui fait qu'une fois qu'ils seront remis un peu sur le devant, dès que les Usos auront pris le titre au East Slater et Rhino, je pense qu'on va les revoir assez vite. Et ça va super bien marcher. Il y en a un qui est noir et l'autre qui est petit, alors je sais pas trop s'ils partent avec un handicap, hein, les deux. Ouais, contre deux Samoans, c'est vrai que c'est compliqué. Non mais pour monter à la WWE, je Oui, veux je dire. sais, je sais. C'est bien ce que je dis. Ouais. C'est ça, ouais, c'est vrai que oui. Effectivement, maintenant que là, je viens de comprendre. Et puis Jason Jordan, on a vu qu'il a merdé à la fin. À un moment donné, c'était lui qui devait faire le tomber. Et on aurait dû C'est lui Chad dire, qui lui l'a redit alors il n'était vite fait, tu pas. C'était peut-être pas si malin que ça. Hein. C'est vrai qu'avant qu'il soit en équipe avec Chad Gable, ça donnait pas grand-chose, Jason Jordan. Alors il y a peut-être vois. aussi un C'est le problème que. muscle dans l'équipe. C'est ça, peut-être un petit problème de son côté. Bah en tout cas, c'était encore une fois, au niveau de la gimmick Survivor Series, c'était rondement mené. Hein, pas à chier. Hein. Comparé à ce qu'ils ont fait les autres années à Survivor Series, je trouve que c'était très, très bien scénarisé pour le coup. Et puis, je propose qu'on enchaîne. Alors, ah oui, j'avais déjà Brian Kendrick contre Kalisto, le champion Oui, de la oh là là, Cruiserweight. pas ça longtemps, devrait hein. aller, Pas ça devrait longtemps, aller s'il te vite, plaît. hein. 12 minutes 18. Alors, pour le résumé, j'ai fait Kalisto fait des trucs de fou, puis Baron Corbin arrive, il attaque Kendrick, puis Kalisto, disqualification de Kalisto, et Kendrick donc conserve son titre. Donc, la division Cruiserweight n'ira, elle va rester à Raw, elle n'ira pas à SmackDown, hein, parce que c'était l'enjeu du match, en plus de la ceinture. Voilà, hein. Ah, hey, là, on a de la storyline. Là, on Là, a de la storyline, c'est c'est la beau. déprime, là. Allez, si on sortait la storyline d'il y a 6 mois dont tout le monde se foutait. Allez, hop. Oui, parce qu'on se souvient que Baron Corbin avait mis une petite raclée à Kalisto qui avait été mis hors des rings pendant un bon moment suite à une petite déchirure anale. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, Ankh Rapidos? Crache ton venin. J'ai eu du mal à garder, comme je le dis souvent, mes yeux collés au téléviseur. C'était pas passionnant. Non, non, c'était pas. Ouais, Kalisto, il faisait sa lutchafing, comme ils disent. Calme. Non, personne ne lui Mais écoute. bon. Mais bon, ouais, Kendrick, il foutait un peu rien, j'avais l'impression. Enfin, c'était long. Pourtant, c'était pas. Techniquement, c'est tu m'as dit genre 13 minutes, un truc comme ça. Oh, 12 minutes 12 18, minutes. précisément. Mais ça m'a paru ouais, ça m'a paru 20 quoi. C'était oh là. C'était long, c'était pas passionnant, c'était j'ai rien à dire là-dessus, c'est pas en tout cas à la fin du match, le mec qui regarde qui suit SmackDown se dit pas "Oh merde! Pourquoi on n'a pas la division Cruiser?" À la fin, à la fin, il se dit "Ouais, c'est bon, gardez-la, on s'en fout." Non mais exactement, c'est exactement ça le problème. C'est que justement, si t'es suiveur de SmackDown ou bref, peu importe, tu te dis "Oh bah putain, Dieu merci, heureusement que les Cruiserweight sont pas partis à SmackDown. Regardez ce que Corbin en fait. Non, parce que, en fait, ce qui est grave, moi, je trouve, c'est la promo qu'il y a après le match. C'est encore plus grave que le match, je trouve. C'est parce que le match était pas mauvais. Il était inintéressant, mais il était pas mauvais. Et à la limite, on pouvait s'attendre à un finish un peu foireux, alambiqué et tout. Moi, je le qualifierais de mauvais, hein, le match. Enfin, s'il y a un mec qui arrive à caser ses spots et l'autre qui fout rien pendant tout ce temps et tout ça n'a Ou Kendrick qui a pas été, ouais, Kendrick aucune qui... Mais moi, cohérence. ce que je trouve grave, c'est que bon, Corbin intervient, ok, donc il est pas content parce que Kalisto l'avait privé plus ou moins parce qu'il voulait pas vraiment y participer, mais l'avait blessé, et il a pas pu participer au 5 contre 5 des hommes, donc voilà, Corbin était pas content. Mais toujours est-il que là, c'est la promo d'après où Daniel Bryan le chope dans les coulisses. Donc Daniel Bryan qui joue son rôle quand même, hein, qui dit écoute, Corbin, t'es sérieux là? C'était un match super important pour SmackDown, on pouvait avoir la division. Et le mec, t'as Corbin qui dit et qui lui répond quand même, attends, moi, genre déjà, je m'en fous de ce que tu me racontes, je voulais m'occuper de la petite peste Kalisto et je voulais certainement pas qu'on en ait plus à SmackDown. En fait, ça, je trouve que même si c'est joué dans son personnage, c'est vraiment trop dangereux de faire des promos comme ça. C'est sa gimmick d'NXT, ça. Mais ça c'est la cata, parce que déjà que les Cruiserweights sont vraiment dans un spot compliqué, enfin c'est un euphémisme on va dire, hein, parce que ils sont clairement prétendants à la ceinture de plomb dans leur ensemble, vu l'arrivée qu'ils font dans le roster. Mais en plus, quand t'as un mec qui vient ostensiblement gâcher un match qui avait un enjeu potentiellement intéressant pour redonner un peu d'intérêt, tout ça, et qui dit derrière, non, mais j'en ai rien à foutre de ces moucherons, j'en mange quatre au petit-déj, regardez ce que j'ai fait à Kalisto, et vaut mieux pas qu'ils arrivent à SmackDown, sinon je vais tous les défoncer. C'est juste un très très mauvais message, quel que soit l'alignement du mec qui dit ça. Donc voilà, je trouvais que c'était là, pour le coup, c'était vraiment très très mauvais, c'était le moment faible du J'ai pas pay-per-view. vu cette promo parce que moi je faisais avance rapide entre les matchs donc Ah, c'était entre les matchs, voilà. mais ouais non c'est oui c'est très con parce que ça enterre Ah leur oui. propre produit donc Donc c'est c'est stupide. débile. On a perdu les cruiserweight et alors pas grave. Bah au final, c'est ça. Et alors? Bon. C'est quand même dommage. Ouais, voilà donc Baron Corbin là, dans ses œuvres. Commence toujours bien hein, son big ending là. Oui, Big Gashi, hein. C'est Big ending. Gashi, hein, Corbin. Moi Ouais. je suis deg. Je l'aime bien Bah quand même. ouais, bah ouais, bah on le Un peu. reverra à SmackDown, il continuera à faire ses Oui, trucs. moi je le reverrai mardi, hein, c'est bon. C'est ça, voilà, sans problème. Ouais, voilà, donc c'était pas mauvais, mauvais. Enfin, si pour toi, Hank, c'était mauvais, hein, du coup, mais En tout cas, je en me tout suis cas, ça avait ennuyé. Je peu peux d'intérêt au pas final. qualifier un match de bon quand je m'ennuie sur la longueur. Hein, Non, mais c'est vrai, Ouais, puis quelle bon, idée de bon, c'est vouloir trop mettre gentil. Kendrick comme ça, vouloir vendre Kendrick. Ils ont fait toute une promo sur Kendrick juste avant, avec une petite vidéo là où il était un petit peu mystique, méchant comme ça. Ils en auraient fait autant pour TJ Perkins à l'époque. On aurait peut-être eu un champion un peu plus intéressant que ce revenant de Brian Kendrick. Mais bon. Enchaînons, enchaînons. Et puis là, il y a le gros Donc, morceau là. voilà, le semi-main event, le traditionnel match par élimination, encore un, pour les hommes. Donc, SmackDown, l'équipe, il y avait le champion AJ Styles, Dean Ambrose, Shane McMahon, le GM, ou le commissionnaire, c'est le commissioner Commissioner, s'il te plaît. en fait. Et la Wyatt Family, nouvelle version avec Bray Wyatt et Randy Orton. Et la petite mascotte, James Ellsworth, pardon. Et de l'autre côté, la Team Raw avec le champion de l'univers Kevin Owens, son meilleur ami Chris Jericho, le champion US Roman Reigns, Seth Rollins et Braun Strowman, la machine de guerre. Tenez-vous bien, 52 minutes 51 ce match. Eh oui. Tu déconnes, Quasiment putain, j'ai pas, une ouais, heure. j'ai pas regardé, mais d'accord, 52 minutes en fait. Oh, Une heure quasiment de c'est match. vrai, putain. Donc un truc de malade. Ça dure très longtemps sans qu'il y ait d'élimination. On a malheureusement pas mal de prestations de Shane McMahon. Pourquoi malheureusement? Je tiens, et pour une fois, là, je l'ai défoncé, enfin je l'ai démonté contre Undertaker, mais ce soir ça va être tout le contraire. D'accord. Non, il a fait le job, Shane McMahon, mais quand il Il a est fait un plus peu que trop le longtemps job. dans le ring, c'est voilà, il a bien morflé. Donc, alors, j'ai piqué un résumé sur Internet. Hein, alors, si c'est Arrête pas très avec bon, j'ai vous m'en piqué voudrez. un Hein. résumé sur Internet. Alors, Strowman finit par éliminer Dean Ambrose qui a été attaqué par son acolyte AJ Styles, hein, son chef d'équipe. Et donc, Strowman élimine avec un running power slam. Strowman est ensuite attaqué par Orton et Wyatt. Alors ça se passe à l'extérieur du ring, hein, c'est-à-dire que Strowman il est en train de démonter. Alors, il a cassé la gueule à tout le monde, hein, Strowman. Il était surpuissant. Il a pris à un moment donné AJ Styles, il l'a jeté par-dessus la troisième corde comme une merde. Et après il part Il a pour aller failli le tuer l'achever. d'ailleurs, hein. Il a failli le tuer, hein. Je sais pas comment il a pu Mais survivre à ça. Donc après il part pour le détruire sur la table. Et là il y a Orton qui arrive et qui lui fait un RKO sur la table des commentateurs. Et ensuite il le place pour que Shane O'Mac lui fasse la descente du coude depuis le coin du ring, hein, sur la table des commentateurs. Et puis Shane O'Mac il arrive à le faire. Braun Strowman arrive quand même à se relever. Il est en train d'être décompté à l'extérieur du ring. Il est à deux doigts de remonter dans le ring, mais il y a quelque chose qui lui agrippe la jambe. Il peut pas monter. Et donc il est décompté, hein, voilà, éliminé du match. Et on se rend compte que c'était le petit James Ellsworth, hein, qui était sous le ring caché, qui avait agrippé la jambe de Strowman. Donc bah, là, du coup, hein, pour James Ellsworth, c'est l'heure de quitter un petit peu l'arène, hein, parce que ça devient dangereux pour lui. Il se fait pourchasser par Braun Strowman, qui finit par l'attraper juste sous le titantron et l'envoyer en contrebas sur des tables qui étaient posées là, peut-être pour l'équipe technique. pour le Gros bump, casse-croûte. hein, gros spot là, du pauvre Ellsworth, qui est assez lourd pour casser une table, hein, quand même. Moi j'avais peur pour lui, hein. Il y avait des marches juste avant les tables. Heureusement qu'il a il a bien On a eu dosé parce que il aurait pu se prendre des marches, peur. hein. A eu peur pour tout le monde dans ce match. Alors un peu plus tard, Kevin Owens frappe AJ Styles avec la lisse de Jericho. Et là, l'arbitre décide de le disqualifier. Kevin Owens est éliminé, hein, sur cette décision. Chris Jericho est complètement perturbé par cette histoire et il ramasse ses pages de la liste. Et là, il se fait surprendre par Randy Orton avec un RKO out of nowhere. Le compte de 3, Jericho se fait éliminer. Alors un peu plus tard, on a Shane O'Mac qui voulait effectuer un coast-to-coast sur Roman Reigns. Il se fait cueillir par un spear. Là aussi, hein, il y a deux doigts de la mort. Roman Reigns le couvre. Alors là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a l'arbitre qui va pas jusqu'au compte de 3. Parce qu'apparemment, Shane s'est relevé, mais Bah, finalement, il ne se relèvera il kick pas. out, Alors. j'ai l'impression. Ouais. Ouais, finalement il n'arrive quand même pas à se relever. Donc l'arbitre élimine Shane O'Mac parce qu'il peut plus continuer le match. Il est HS. Je pense qu'il est dans un autre monde à ce moment-là, ouais. C'est ça. Il s'appelle plus Shane O'Mac. Non. Il est ailleurs. Ce qui se passe, c'est que Dean Ambrose finit par revenir. Il a la haine contre AJ Styles. La sécurité veut sortir Ambrose, mais Reigns et Rollins s'attaquent à la sécurité. Et là, c'est la reformation du Shield, entre autres choses, ce soir, pour attaquer AJ Styles. Ils le mettent dans la triple power bomb à travers la table des commentateurs. Rollins ramène AJ Styles dans le ring, il le couvre. Se fait Fuck la éliminer. loyauté, fuck la cohérence. Voilà, on s'en fout. Dean Ambrose repart en coulisses. Donc là, on se retrouve avec Roman Reigns et Seth Rollins contre la Wyatt Family. Et devinez qui débarque? Luke Harper. Donc Harper repousse Reigns contre le poteau pour le sonner. Et à la fin du combat, Rollins veut lancer un frog splash sur Bray Wyatt, mais Orton lui fait un RKO out of nowhere. Bray Wyatt couvre Rollins. Rollins est éliminé. Et ensuite, donc, il reste plus que Roman Reigns contre la famille Wyatt. Donc, il y a du Superman Punch qui est délivré. Reigns se lance pour son spear, mais Orton pousse Bray pour le sauver. C'est lui qui prend le spear et Bray chope Roman Reigns qui est complètement à bout de force, hein, et le place dans son sister Abigail pour le couvrir pour la victoire. Voilà donc un match Énorme, hein. Comme je dis, la première élimination, je ne sais pas si vous avez les timings, mais elle a dû arriver au bout d'une demi-heure. Un peu plus, un peu moins en fait. Un C'était peu au bout de moins. 16 minutes, D'accord. mais après, par contre, ouais, il n'y avait rien avant 25 minutes. Ouais. D'accord, ok. Et Aucun timing. puis, c'était plein comme un œuf. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui c'est qui veut parler en premier? Je Vous sais savez pas, voulez-vous pas, battre? vas-y, Viscal. Allez, Bon, j'y t'as suis. sûrement plus Alors, de choses à dire que moi. Non, mais je sais pas si j'ai plein de trucs à dire, mais en tout cas, waouh quoi. Enfin, c'était, je pense qu'on n'a pas eu. Enfin, c'est même plus long que certains Royal Rumble, non, ce match-là, parce que c'était 50, Ouais. 53 minutes, c'était juste incroyable. C'est d'autant plus incroyable que quand j'ai regardé le timer a posteriori, j'ai vraiment pas eu l'impression que c'était bon. J'avais eu l'impression quand même que c'était un peu long pendant le visionnage, mais clairement j'aurais jamais dit que ça avait duré 53 minutes. Donc déjà rien que pour ça, chapeau, parce que sortir un match de quasiment une heure qui passe comme une lettre à la poste à ce point-là, c'est juste super impressionnant, et ça montre aussi la qualité du travail qui a été fait pendant le match. Écoute, moi j'ai trouvé ce match assez foufou, assez dingue à suivre. C'était pas mon match préféré de la soirée, mais pas loin. Ils avaient énormément de choses à raconter dans ce match, et ils l'ont fait. Enfin, je pense qu'ils ont quasiment rien oublié. Toutes les rivalités ont été teasées. On a joué sur tous les angles. On a eu James Ellsworth sous le ring qui a fait un petit truc. Enfin, moi j'ai trouvé que son petit passage quand il élimine Braun Strowman était assez drôle. C'était une façon originale et bien vue d'éliminer le monstre. Et puis bah il y a eu le coup de la liste qui était assez marrant, le retour de Dean Ambrose qui a fait grincer manifestement beaucoup de dents, mais bon, on va dire que moi j'arrive à l'accepter. Alors j'accepte beaucoup de choses, j'arrive c'est vrai, j'arrive à l'accepter parce que je me dis que depuis le début il en a rien à foutre de ce match, il veut juste se foutre sur la gueule avec AJ Styles, donc bon bah du coup il revient et il lui pète la tronche, et puis en plus de ça il nous donne à tous un super moment, et aux fans à Toronto un super moment, parce que bon bah voir la triple powerbomb c'est toujours quand même assez sympa. Il y a eu ça, il y a eu bah l'arrivée de Luke Harper, la domination de la Wyatt Family, avec toujours ce jeu de regard entre Randy Orton et Luke Harper, et donc c'est bref plein de trucs. En fait, tu ressors de ce match, t'as des souvenirs plein la tête. Ils ont fait quasiment tout, pas avancé, mais en tout cas ils ont joué sur toutes les histoires. Le choix du vainqueur est très très intéressant, je trouve. Enfin, cette victoire de la Wyatt Family était complètement inattendue de mon côté, surtout quand tu finis par quand même sortir Seth Rollins et Roman Reigns, qui sont un peu les deux dieux de Raw. Donc du sacré bon boulot. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était impressionnant. Je m'attendais pas à une telle explosion, un tel feu d'artifice comme ça. Ce match était assez fou. Ouais. Allez. Non mais le match a eu plein de moments impressionnants. Moi j'ai en tête surtout le duel entre Owens et AJ Styles qui était incroyable quoi. Où ils connaissaient tous leurs moves les deux quoi. C'est tout le temps le Pelé-Kick qui passait pas, la Powerbomb elle Oui, passe pas. c'est vrai que Ils ont sorti tous leurs finishers pendant, je sais pas, je dirais 1 minute 30 et ils ont tout contré, quoi. Et ça a été beaucoup applaudi par le public, ça, oui, c'est vrai. C'était excellent. Autant, comme je disais, ouais, Shane, la dernière fois qu'on l'a vu dans le ring, ça m'a pas excité, mais là, les quelques passages qu'il a eu, donc du coup le saut sur la table et puis du coup contre Roman Reigns le coast to coast, qui était donc stoppé par un spear, enfin comme tu l'as déjà raconté, mais juste, oh, putain, C'est un putain de spot, ça. alors autant moi j'étais pas comme Giscal croyait, enfin sous Skype il me disait je m'inquiète pour Shane et moi en le voyant après le fait qu'il le sorte juste en le portant, mais qu'il n'y a pas de civière ni rien, je me disais bon, pire il a une, enfin Commotion, c'est quoi, pas hein, c'est rien, possible, mais hein. il doit avoir une Ouais, commotion, je un truc crois comme qu'il a ça. morflé, hein. Mais disons que je m'inquiétais pas pour sa vie, mais le spot en lui-même est hallucinant. Le spear, il le claque, mais c'est même pas, il l'emporte pas avec lui, quoi. Il le claque et il tombe, plaf, genre pile à Ah, mais l'endroit où il coupe en le deux, chope. quoi. J'avoue que c'était incroyable. Après, D'ailleurs, il paraît que Randy Orton est descendu Oui. rapidement Ouais. rassurer les gosses Bah, j'ai vu ce de chez moment-là, mais je Noma qui étaient au comprenais pas, premier moi. rang. J'ai vu ce Ouais, moment-là et je me disais, qu'est-ce qu'il fait Randy Orton? ouais, il est allé voir apparemment. Il va insulter des enfants? Je vais dire ça va et tout. En fait, ce qui est bizarre, c'est que chez Noma, Et kick ton out, en père, fait. il est mort. On a vraiment l'impression que, enfin, le fait qu'il kick out du spear comme ça, en plus un spear pareil, enfin, genre, si jamais c'était voulu, c'est juste Ouais, abusé. c'est le premier mec qui se relève du spire Ouais, de. et en plus c'était le spear, c'était un spear de folie, donc si c'était voulu, c'était abusé, mais si c'était pas voulu, justement, c'est ça qui m'a fait dire moi qu'il était peut-être un peu dans un autre univers, c'est parce que je pense qu'il devait peut-être pas non plus se relever, et donc c'est pour ça. Ouais. Non, parce que là, tu te relèves pas ça dans Ah ouais, non, ça. n'importe quel Je suis catcheur pas s'il n'a pas vu persuadé le que match, John hein. Cena se relève de ça, Donc donc voilà, bon. quand il fait ses cabrioles, ça va. Le seul moment où il était un peu ridicule, mais c'est son truc. Enfin, d'ailleurs, Dean Ambrose faisait un peu la même chose. Il a un peu arrêté, mais c'est les petits coups de poing façon Oui. petite hyène qui sont Ouais. qui sont Sur ridicules. Strowman? Ouais. Il l'a fait sur Strowman à un moment, c'était ridicule. Ouais. Mais oui, le match. J'arrive pas à me souvenir de. Ouais, voilà, j'arrive pas à me souvenir de tout, mais le match était vraiment bien. Il y a peut-être des moments que j'ai trouvé un peu un peu longués. Peut-être avec Jericho. Je trouvais que Jericho a duré super longtemps. Enfin, je le disais, mais comment il se fait pas éliminer Jericho depuis le début? Et catcher souvent contre Shane McMahon, Jericho. Je pense que c'était Ouais. pour le protéger, pour être Et sûr que ça se fasse proprement, quoi. donc ouais le finish alors autant j'aurais pas prédit les Wyatt mais pour le coup c'était comme tu disais tout à l'heure Giscal s'il y a une brand qui a les deux premières victoires bah, Ah la bah oui, dernière c'était elle est sûr. pour l'autre. Oui. Y a pas comment Arrow, y a pas de justement là pour le coup il y a une preuve que la rivalité Arrow est pas aussi intéressante que celle enfin aussi intéressante ou du moins aussi il y a pas autant d'investissement dans cette rivalité puisque on a bien mis en valeur celle de Ambrose et AJ Styles et on a complètement mis de côté Owens et compagnie quoi. Il y avait pas enfin j'ai pas vu de dissension vraiment je sais pas j'arrive pas à me souvenir de dissension là dans l'équipe de Raw Ils ont pas trop joué là-dessus, non? donc voilà Rollins comme on le disait là dans le dernier catch-up Raw avec Ringside Rollins il est un peu ces temps-ci il est un peu rigolard et genre limite il faut lui rappeler qu'il y a une ceinture à gagner quoi sinon C'est ça, il est toujours un au peu second en plan, il est cette un peu en ceinture. stagnation quoi Le truc, c'était la reformation du Shield qui était important. voilà ouais donc du coup oui Mais. c'est ce que alors du coup c'est moi ça m'aurait surpris si j'avais pas lu ce que Giscal racontait sous Skype justement parce que Ça va être j'ai fait ouais alors du coup il est en train de péter un plomb donc forcément il y a enfin je vois Ambrose se fait éliminer assez tôt et tout puis à un moment je vois revenir je fais mais qu'est-ce que c'est que ces conneries et après je fais ah oui d'accord reformation du Shield d'accord. Dirais avant même qu'il aille voir les deux autres mecs, je sais, bon, il est revenu pour ça quoi. Et fuck, donc du coup fuck la loyauté, alors que c'est la top babyface hein, du, alors bon, on va dire tweener, mais Ouais, c'est quand même, il a son style bien à lui quand c'est quand même. même censé être un pote de Brian et tout ça, donc. À la fin du pay-per-view, on nous explique bien qu'on n'en avait rien à foutre de tout ça. Oui. Mais Mais voilà, bon. c'était un bon match. Est-ce que maintenant, en décalé, je sais pas quand vous, auditeurs, si vous le regardez en décalé, vous le regarderez justement. Mais est-ce que en décalé, comme ça, sans être dans les 24 heures qu'ont suivi le pay-per-view, vous allez tenir les 50 minutes? C'est pas sûr, vous avez peut-être avancé quelques petits trucs. Mais bon, c'était un. Voilà, enfin bon, quand il y a autant de talent, vous pouvez pas condenser ça dans. C'est ça aussi, hein, tout le talent qu'il y avait dans le match en été, sur, moi je trouve sur l'équivalent d'un blockbuster, quoi. T'avais tout dedans. La révélation Braun Strowman, hein, le public qui se lance dans des chants Strowman façon Goldberg. Ah oui. Il était quand même super impressionnant dans ce match-là. Il a montré encore un autre niveau de destruction. Ah après, oui, moi, je trouve. Désolé de te couper 2 secondes, c'était juste pour rappeler la séquence dont on n'a pas parlé. C'est Strowman qui croise Ellsworth en coulisses. Ah oui, et qui lui dit, je t'ai déjà vu quelque part. Oui, c'était en début d'émission. Ah, c'était trop bien. Voilà, ouais, après moi la grosse déception c'est effectivement sur Kevin Owens, voilà, qui passe encore une fois au second plan. C'est difficile de toujours d'en faire une méga star si on continue à le traiter comme ça. C'est un peu. Mais après en lui-même le match est assez fantastique, hein, y a pas à chier. Quand même, hein, 52 minutes, quasiment 1 heure. Ouais. La victoire des Wyatt, ouais, c'est bien la première fois qu'ils gagnent. Est-ce qu'il va y avoir une suite derrière? Ils n'ont pas gagné clean non plus. Hein. Ouais, voilà. Il y a eu Carper. À la limite, j'aurais préféré voir Roman Reigns gagner, tout simplement. Mais, parce que j'ai peur que derrière, ils en fassent rien, en fait, de la Wyatt Family. Ah bah, ils vont continuer l'angle actuel, quoi, qui est cette histoire, est-ce que Randy Orton est vraiment méchant ou pas? Ouais. Quand est-ce que Randy Orton va redevenir gentil? Eh oui, on attend, on aimerait bien savoir. Et en même temps, c'est très écoute, moi et les fans qui ont une âme, on attend de savoir quand est-ce que Randy Orton va revenir du bon côté. Aïe aïe aïe. Ouais, mais sinon c'était sûrement un des meilleurs matchs, encore une fois, Survivor Series depuis des lustres. Non, sur les 5 on 5 de la soirée, on a été servi quand même. Ouais, ouais, clairement. Là, c'était vraiment Survivor Series. C'était pas un match de Survivor Series pour la tradition et puis le reste à côté. Bon, allez, parlons de l'horreur là. Parlons de ce qui fâche. Parlons de ce qui fâche vraiment. Le méga match tant attendu, Brock Lesnar contre Goldberg. Rien en jeu à part l'honneur des deux champions. L'ancien champion de la WCW, Bill Goldberg. L'ancien champion de à peu près tout, Brock Lesnar. L'honneur d'un seul mec qui était en jeu. Hein. C'est-à-dire Goldberg, ouais. Il n'avait pas vraiment... Voilà, donc... 1 minute 25 de match, Lesnar tente un takedown sur Goldberg, mais ça fonctionne pas. Goldberg répond avec inspire, un jackhammer, 1, 2, 3, et Lesnar est vaincu. Lesnar est beaten, victimized, conquered. Voilà, Goldberg grand vainqueur, et il fête la victoire avec son fils qui visiblement voulait pas trop monter sur le ring. Non mais je crois qu'il a une il a pas une maladie son fils. Je sais pas, il a l'air un peu autiste. Si, enfin, si, il est je pas... crois je crois qu'il est je crois qu'il est autiste en fait son fils. Il y a moyen parce que c'est vrai qu'il se comporte un peu bizarrement à chaque fois. Il est très détaché quand enfin je sais pas. Ouais, quand il est en interview. Désolé, bon, on va c'est dégueulasse. On vous dira si on a pas de cet enfant. On se moque pas, si Hank se moque, c'est tout. Hein. Eh oh, c'est moi qui vous explique. Voilà, bref. Voilà, donc finalement, la défense de match, et c'est Goldberg qui gagne à la surprise générale. Tout le monde est sur le cul. allez, Hank, lance-toi. Ah, mais non, j'allais dire la parole est à la défense. La parole est à la défense. Fiscale. Moi je peux te le défendre hein, ce match, y a pas de problème. C'était non allons pas jusqu'au mot match non plus. Vas-y. Un match de Goldberg. Non mais c'était incroyable quand même comme moment. Enfin moi un je. Moment incroyable. Ouais, non, ils ont mis tout le monde sur le cul, hein, y a pas à chier. Je suis désolé, ils ont mis tout le monde sur le cul. Personne ne s'attendait à ça. Ne non mais pas la, dire la, le... la surprise façon, pour la ils surprise. Ils auraient voulu faire un match, ça aurait été dégueulasse. Et voilà. Autant exact. Faire ça. Hein. C'était la meilleure. Je pense qu'ils ont fait un choix, un excellent choix en fait là-dedans en faisant gagner Goldberg, puisque j'imagine que l'attaque, puisque nous allons laisser la parole à l'attaque après. Non mais va être sur la ligne la ligne globale là depuis 48 heures qu'on voit un peu partout, c'est que pourquoi avoir sacrifié Laura de Lesnar contre un papy de 50 ans qui revient faire un one shot et tout. En fait, c'est à la limite, ne venez quand même pas me dire qu'on a sacrifié Laura de Lesnar sur cette défaite. On est quand même capable de regarder un petit peu plus loin que ça. Lesnar. Ce qui est intéressant dans ce match, c'est que Lesnar a clairement, il a perdu, pas parce qu'il était moins fort et tout, il a perdu parce qu'il s'est complètement fait prendre par surprise, comme tout le monde dans l'arène et tout le monde sur Internet et tout le monde partout, on s'est fait prendre par surprise par finalement Goldberg qui était beaucoup plus prêt et beaucoup plus destructeur que ce qu'on pensait. Il était beaucoup plus, il était beaucoup plus prêt en disant en interview qu'il s'entraînait pas. Il a menti, il a menti, il s'entraînait à Et oui, fond en le fait, filou. Goldberg. C'était double. Incroyable, le Non, double il jeu. paraît qu'en vrai, il s'entraînait à Oui, mort. non, mais bien sûr qu'il Oui, s'entraîne, non, il va mais qui pas, s'est entraîné il comme était un pas venu en mort, jogging. il l'a dit, il l'a dit le lendemain. Ah oui, on va pas spoiler Raw, mais bon, du coup, il l'a dit, machin. Et donc là, il faudra quand même souligner au Mais il y a passage la Goldberg forme à physique. Raw? Comment? Comment? Incroyable. Faudra quand même souligner au passage la forme physique de Goldberg qui Qui a j'attends tenu de 1 voir. minute 30, hein, bravo. Non, mais la Oui, forme physique, la plastique, hein, j'entends. je sais. Je sais, je sais. De Goldberg qui à 50 ans quand même fait pâlir. Enfin, je souhaite à Brock Lesnar d'être dans le même état dans 10 ans. Je suis pas persuadé. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc en fait, pour revenir à pourquoi est-ce que je trouve que c'est une décision importante, c'est parce que Lesnar en fait gagnait pas grand-chose à gagner ce match. Il était déjà au top. Il a brisé la streak de l'Undertaker. Il a dominé tout le monde dans le roster. C'est pas en battant Goldberg qui était montré jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce dimanche comme finalement quelqu'un sur le retour qui se faisait un petit plaisir à revenir. S'il le battait, c'était on ne peut plus convenu et on passait à autre chose. Et les matchs de Lesnar continuaient à avoir finalement la même saveur. À savoir une saveur qui quand même diminuait de plus en plus parce qu'au final, Le Suplex City, il défonce tout le problème, c'est monde. pas de faire perdre Lesnar. Hein. Lesnar, il doit perdre forcément, il doit pas, il doit perdre au bout d'un moment. Le problème, c'est que la streak de Lesnar, bon, je sais pas laisser finir, mais Non mais vas-y, vas-y, ça peut être dynamique, vas-y. non, je ne serai pas dynamique avec toi. Le problème, c'est que ce qu'on peut appeler la streak de Lesnar, elle a une valeur. C'est une montagne. C'est quelque chose qui devenait quasiment. C'est le mec le plus dominant au centre, sans utiliser les clichés de la WWE, mais c'est vraiment le mec le plus dominant de la compagnie ces dernières années. Et je vois pas comment on pouvait choisir quelqu'un pour battre Brock Lesnar sans que ce soit quelqu'un qui en ait besoin. C'est forcément quelqu'un qui doit être déjà en haut, enfin en haut de la carte forcément, mais quelqu'un qui en ait besoin, quelqu'un qui a un avenir à la WWE, quelqu'un qui va pouvoir profiter de cette victoire, qui va Goldberg, il avait juste besoin d'être dans le ring avec Brock Lesnar pendant 5 minutes, avoir une petite partie où justement il le prend par surprise, comme ce qui était au début, etc. Et puis au final, il se fait quand même battre. Mais ce que je veux dire, c'est un mec de 49 piges qu'on n'a pas vu depuis plus de 10 ans, qui vient et qui squash Brock Lesnar alors que des mecs qui sont des réguliers de la compagnie, qui ont prouvé des choses ces dernières années, ont pas réussi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça débile. Je trouve que c'est de la surprise pour la surprise, tu vois. Ça, c'est pour faire la une des journaux le lendemain. C'est pour faire la une des sites internet. C'est pour que les gens fassent des vidéos sur YouTube, what the fuck, et machin. C'est juste la surprise pour la surprise. À quoi ça va nous servir dans 6 mois? À rien. Ça va nous servir à rien, ça a buldé personne. Ça sert à faire Goldberg. revenir Goldberg. Non mais Goldberg, oui, il Parce va être que là jusqu'à ils ont. WrestleMania, il va se tirer. Ah ouais, mais il faut se rendre compte que de tous ceux que tu as dans le roster, il n'y en a aucun qui fait du pognon. Le seul qui fait du pognon là maintenant, c'est Goldberg. Goldberg, c'est une machine à fric. Ça explose tout ce qu'il y a, Oui, tout ce qu'ils mais... peuvent présenter à la WWE. Il est à un level, lui, qui est au-dessus de tout le monde. Oui, Comme et... Lesnar, il est limite au-dessus de Lesnar. Quand ils ont sorti son DVD, Et à il n'y ce a pas moment-là... longtemps, il a explosé les ventes de tout ce qui est sorti. Et ils ont personne. Mais à Ils ce moment-là, disent ça, mettez de on la en. logique, mettez de la logique là-dedans et faites qu'ils perdent et que cette fois-ci, en fait, ils se rendent compte, non, non, non, je veux pas Non, finir parce qu'il là-dessus, faut, il etc. faut, il faut le babyface ultime, il faut le nouveau Hulk Hogan. Et t'as personne dans le roster. Mais T'as le nouveau personne. Hulk Hogan, il a 49 piges. Eh ben tant Qu'est-ce pis, qu'il va parce venir qu'ils l'ont, faire? ils l'ont, il, comme tu l'as pas vu depuis 12 ans, il a encore cette aura, et physiquement, il le fait encore. Il fait ce qu'il Mais c'est de faisait à la... l'époque à la WCW quand c'est devenu une méga star, il fait des squashs, et là, il fait un squash sur Lesnar. C'est Il de la faut pas qu'il fasse flemme. plus que ça, de toute façon. C'est aussi ça le catch, c'est aussi des trucs comme ça. Ouais, mais Mais c'est de moi, la je fais flemme deux pour gros moi, monstres qui s'affrontent c'est de la et. flemme totale. C'est la WWE qui dit Et quand tu as un moyen de faire du pognon à gogo, bah tu le fais, hein, c'est tout. Quand ils disent good for business, alors quand ils le sortent en gimmick tout au long de l'année, Oui, ça perd de sa valeur. ça perd de sa valeur. Mais là, ce truc-là, c'est good for business. Tu as maintenant deux grosses mégastars dans le roster, ce que tu n'avais pas Et depuis au c'est moins un 2 ans. et c'est et c'est C'est comme genre le retour de du Rock, mais en puissance, enfin, peut-être plus percutant, parce que visiblement, Goldberg, il avait encore toute son aura et il a c'est encore. impressionnant hein, ouais. C'est Mais une machine à pognon. moi Tu peux pas juste. j'arrive pas à comprendre, enfin pour moi c'est pas Ah, mais parce que t'as pas c'était connu plus qu'un. Goldberg et Oui, non mais je me doute, tu non mais sais pas ce que c'était à je l'époque, sais que c'était le le je catch et sais la que c'était le roi popularité, hein. du ouais, je sais que c'était le roi du squash et que c'est le genre de truc peut-être Non, mais qui était en plus machine à répandu. pognon, Ah en oui. mettre le feu à la foule et ramener un maximum de peuple et faire des records d'audience et faire ça exploser ce qui se fait maintenant. C'était fois 5 ou 6 qu'ils ont en comment dire, en audimat, en vente de Oui, mais pay-per-view, en tout ce que tu vous veux. me parlez argent, je vous parle juste avenir et juste, enfin, je parle cohérence, Allez, avenir parce que de la non, mais compagnie ouais, parce que. et juste pas juste combien de millions on va se faire dans les 6 prochains mois et après on va être dans la merde. Moi même sur la cohérence et sur l'avenir, moi je suis pas d'accord parce que sur la cohérence, tu peux pas dire, enfin tu peux pas réduire Goldberg. Enfin moi je pense que t'es dans la minorité du public quand tu te dis ah ouais Goldberg il a 49 ans et c'est un papy qui vient de revenir et qui a un cardio de merde et tout. Enfin genre ça c'est pas du tout ce que les gens se disent quand ils voient Goldberg arriver. Et quand ils voient Goldberg arriver, ils se Non mais disent c'est putain pas ce c'est que un... je me dis quand il a Ouais. c'est pas comme ce que je me dis quand il arrive. Moi je m'attendais déjà à un match. Excusez-moi, c'était pas un match, mais Faute de Lesnar, hein. Il s'est fait défoncer. oui, mais le le enfin c'était pas vraiment sa décision, hein. Mais bon, il a dû être bien payé. Et donc du coup oh merde, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que je me suis dit à la C'était pas fin. un match. C'est ce que je me dis. Je me suis dit quand j'ai vu le tomber et que je vois Lesnar qui est déjà sorti de tomber aussi. Hein. Mais enfin parce qu'on se souvient des derniers matchs de Lesnar où genre il n'y a jamais eu un seul tombé sur lui quoi. Mais il est déjà sorti de tomber. Et là il se prend juste inspiré genre il se couche. Enfin pour moi je vois Lesnar, je me dis pas. Il a pris le truc le plus violent de la terre et Il a pris deux spires et un jackhammer. Il a pas pris ouais. juste un spire. Oui, non, Ça suffit pour tuer un homme. Non mais deux spires en plus. Bon après c'est dommage, les commentateurs auraient pu parler quand même de sa blessure à l'estomac qui l'avait fait arrêter le MMA, qui aurait Et pu ouais. un peu justifier aussi le fait qu'il se soit fait La coucher comme ça aurait été. réflexion que je me fais, c'est tu ramènes une superstar qui est donc bien sûr vend des millions de tickets, blablabla, mais surtout, enfin des milliers de tickets, mais plutôt que tout le monde sait que il n'est pas forcément, enfin il est censé prouver dans le ring, c'est même un peu l'histoire quoi, il est censé prouver dans le ring que voilà il l'a toujours quoi, il a toujours le truc etc. Et quand il a une victoire aussi facile en 1 minute, je vois pas comment, Non mais c'est ça, du moins les fans c'est de ça catch, Goldberg. Hein. oui non mais je sais, mais Et Goldberg, si tu le bookes sur des matchs plus longs, ça fonctionne pas. Comme ça qu'ils Je sont sais, mais cassés il est la gueule pas. quand Ouais, il est mais revenu à la il est pas. WWE. Donc il le book comme ils doivent booker Moi, Goldberg. ce qui m'emmerde, c'est qu'il pouvait faire ça à plein de gens, mais à Brock Lesnar, je peux pas. Je Ouais, peux pas parce que adhérer, Goldberg moi. il va pas catcher contre n'importe Non, qui du roster. non, mais Il est à level au-dessus et puis c'est un mec je sais bien. qui job pas. Hein. Il va pas aller affronter Kevin Owens ou Roman Reigns. Hein. C'est Ouais. pas. Il a Mais un voilà, nœud lourd. moi j'ai vu ça, je me suis pas dit oh mon Dieu Goldberg le monstre, oh mon Dieu machin, et direct je me suis dit non mais quelle blague, c'est pas possible. C'est dommage, c'est dommage. Non mais C'est deux je ne suis visions du pas, truc, ouais. Ouais. je n'ai pas les Parce que yeux pleins c'était quand même d'étoiles. juste dingue, quoi. Enfin, c'était tellement inattendu, tellement fou. Mais moi, Oui, il y a un c'était autre truc. inattendu. Enfin, Non, mais il y a ça, un. Y a... pour te dire, c'était totalement inattendu, mais pour moi, c'était inattendu et ça m'a complètement sorti du truc. Tu vois, genre, la victoire en 1 minute 30, je me suis dit, ok, c'était Mais gratuit. Genre, du coup, moi, vous je avez pense que arrangé la ça. revanche, parce qu'il va y avoir une revanche, je pense que du coup, la revanche sera encore plus attendue grâce à ça, qui était vraiment dingue. Mais moi, il y a un autre truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est enfin, quand on parle d'avenir, de dire, enfin, oui, pourquoi donner cette fin de streak à Goldberg? Faut pas non plus se mentir. Tu vas pas me dire, Hank, que genre l'aura de Brock Lesnar est complètement brisée et que si demain, ça n'arrivera pas tout de suite, mais si demain un mec type Kevin Owens ou je sais pas qui rentre en feud avec Brock Lesnar et le bat, c'est pas parce qu'il a perdu contre Goldberg en 1 minute 30 que ce sera pas un moment incroyable pour Kevin Owens. C'est pas vrai. Genre Non, mais c'est il a perdu, il a perdu cette espèce de. Pour moi, il a perdu ce côté juste a pas monstre. perdu. Ça reste le Non, mais destructeur. non, mais oui, c'est une grosse force. Mais ce que je veux dire, c'est que il est reparti du côté, on va dire, des humains, quoi. Pour moi. Ah ouais, mais c'est justement peut-être ça qui est aussi intéressant pour ses prochains matchs. Oui, mais Ah, pour un il monstre a comme. jobé pour Goldberg. D'habitude, c'est les autres qui jobent pour lui, Ouais. et là, il a jobé pour Goldberg. Il est reparti du côté des humains, et ça va être plus difficile. Enfin, du moins, c'est juste ma perspective, mais du coup, ça va être plus difficile de vendre un Brock Lesnar qui vient que tous les 3 mois ou machin. Si. Bah, finalement, il s'est fait quand même fait. Ouais, il s'est quand même fait battre par Goldberg. Alors, pour l'instant, ils ont pas ce problème-là, parce que j'imagine que Arrow, il relance le bousin et que ça va être à. C'est quoi le prochain déjà? Prochain C'est gros pay-per-view. le Rumble ou il y a quelque Le chose avant? Rumble? Enfin, il va y avoir un pay-per-view SmackDown, il va y avoir TLC, mais alors Ouais. après TLC, je me demande si c'est pas déjà le Rumble. Je Donc vérifie. voilà, Ah non, il y a Roadblock. ils Non, vont il y a relancer le Roadblock. truc au. Ouais. Non, ils vont pas le lancer à Roadblock, je pense. Mais. Non, c'est un pay-per-view spécial Raw qui sera le 18 décembre. Et après, c'est le Rumble. J'imagine, mais ouais, donc du coup. Non, Seul l'avenir nous le moi ça dira. m'a ça, ça m'a vraiment Ça n'a ça pas m'a marché blasé en parce tout que je cas. voulais voir un match, quoi. Je voulais voir un match. Même s'il n'était pas génial, je voulais voir le minimum d'un Et match. Même tu si penses que ça tu aurais été finit déçu? au bout de Ouais, 5 minutes. ça n'aurait pas fonctionné. Bon, les enfants, c'est pas que je vous aime pas, mais ça commence à être long. Oui, c'est On va pas faire pas. 3 heures non plus sur tout ça. Je vous propose de conclure avec le mot de la fin. Eh ben, c'est Le mot de parti. la fin, c'est que j'aurais pas aimé payer un billet pour ce pay-per-view pour voir Lesnar Goldberg. T'imagines les gens qui ont acheté un billet pour voir Lesnar Goldberg? Justement, ils étaient très contents. Hein. Je Oui, ne sais pas oui. si tu as Eux, tu entendu leur as la parlé, réponse. Giscal. Hein. T'es allé les voir chacun et ils Non, disaient, oh oui, je suis très fan du supplément SmackDown aussi. Non, j'ai juste écouté la réaction après le match et j'ai eu le sentiment que le public était plutôt heureux de ce qui s'était passé. Mais je ne veux pas m'avancer. Allez, Giscal, ton mot de la fin. Mon mot de la fin, bon bah mon top, et c'est pas du tout pour troller, hein, mais genre mon top c'était vraiment le main event, enfin genre j'étais scotché, je le mettrai en top, même si je ressouligne que le Survivor Series des tag teams était excellent et mérite vraiment le visionnage si vous devez choisir un match. Et puis bah mon flop c'est la promo de Baron Corbin et de Daniel Bryan juste après la défaite honteuse de Kalisto à la part DQ. Et ma note, je vais mettre 4 parce que Franchement, à part ce que je viens de mentionner, je peux rien jeter de ce pay-per-view. C'était vraiment, on a retrouvé les Survivor Series vintage avec des excellentes utilisations de la stipulation et ce main event complètement hallucinant. Moi qui m'a, enfin, je m'en souviendrai pendant un moment. Alright. Donc. Mon top, ça va être. J'ai pas vraiment eu T'as le temps de préparé? réfléchir. Je vais dire. Ouais, mais il y a eu tellement de choses. Je vais mettre. Non, Braun Roman Reigns. Allez, je vais être sympa, je vais mettre Roman Oh! Reigns. Ça, c'est Roman Reigns. gentil. Non, Roman Reigns était juste excellent. Et en plus, ils nous l'ont pas fait haïr vu qu'il a perdu. Putain, mais et il s'est Non, quand même ça, fait c'est. siffler même pendant la réunion du Shield. Ils sont vraiment Ouais, ouais, chiants, le ouais. public. Et Ouais. le Lâche pas, public, il c'est crie clair. Go SmackDown, un Casse-couille. truc comme ça. Hein, dès que. Quand il n'y avait plus que Roman Reigns, c'était Go SmackDown, Go SmackDown. Enfin, let's go SmackDown. Et donc du coup, voilà, Roman Reigns que j'ai trouvé excellent. Il y en a plein d'autres hein, qui ont été excellents, mais juste lui, il était tout seul en mode Warrior. Son spear était phénoménal. Là, pour le coup, je m'en souviendrai pendant un temps parce que Ouais, son c'était spear un était sacré spot, hein. incroyable. Et fallait le faire au bon moment, etc. Parce qu'il aurait pu aussi lui défoncer la tête. Donc du coup, du coup mon pire moment, je vais pas mettre Goldberg, ça va faire cliché. Donc du coup, non mais c'était pas non plus le truc que j'attendais le plus. Mon pire moment, c'était le, en fait c'était plus la déception d'American Alpha, je vais dire. Je vais piquer ton truc Ok. ringside. American Alpha qui était vraiment effacé. Et puis ma note, je vais mettre 3,5 finalement Comme tes covers. comme takeover pour ouais du coup pour des raisons différentes en fait juste le non-match de la fin je veux bien que c'était incroyable. Tout le monde s'en souviendra dans 10 ans, mais moi sur le moment c'est ah bon. Bah, je vais me coucher. Ça a l'air bien. C'est pas d'éclat de joie ni rien. Hein. Bon. Et donc, ouais. Et puis, sinon, des très bons matchs. Plein de très bons Donc matchs. voilà. C'est Et puis, ça. rien ne change, tout va Oui. bien. Tout va bien, ouais. Bon, les intrigues n'ont pas beaucoup avancé. Bon, rapidement, moi, ce que je vais mettre dans mon top, c'est le fait qu'ils aient réhabilité les matchs à élimination du Survivor Series de très belle manière. Et mon flop, ce sera le traitement, pardon, de Kevin Owens. Je trouve qu'il est un peu. Qui me déçoit. Et puis, ma note, je vais mettre un bon 4. Voilà, j'ai trouvé ça aussi fun que le takeover, pour d'autres raisons. Grand spectacle, et puis un final surprenant avec le retour de Goldberg. Voilà, on a maintenant de la méga star à la WWE. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Voilà, bah on a fait le tour de ce Allez-vous faire pay-per-view foutre de les fou. All-Stars. Les All-Stars. Allez virer les Kevin Ouais, Owens bah et tout ça, écoutez, on vous s'en aviez eu fout. l'occasion de briller, de prendre le spot, de faire du pognon. Bah, voilà, bah, tant que vous n'y arriverez pas, on fera venir Bah on va Goldberg et faire monter puis Mickie on James verra. aussi. Ouais, non, mais Mickie James, Je suis ça pas rapporte sûr parce qu'elle que. ramène autant de. Non, non, non. On a notre super babyface, visage de la compagnie, qui est revenu. Même s'il a 50 ans, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, c'est bouclé pour ce catch-up hors série. On espère qu'on n'a pas été trop long. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud, sur la chaîne YouTube des Cahiers du Catch, car je vous rappelle que Catch-Up est le podcast officiel du site Les Cahiers du Catch. N'hésitez pas à venir sur le site, il y a une très belle analyse de Raph qui est en ligne du Survivor Series. Presque en ligne. Voilà, presque en ligne. Bon, d'ici que ce sera. Oh, d'ici ce que, oui, ça Voilà. devrait être synchro. C'est ça. Voilà, venez vous inscrire. Voilà, ben écoute, Hank, je te remercie de ta participation. Et bah de rien. Ce fut 2 heures formidables. Formidable. Peut-être le meilleur catch-up de tous les temps. Giscal, pareillement, merci beaucoup d'être venu. Bah écoute, merci, merci. C'était, je pense qu'on n'est pas loin du meilleur ketchup de tous les temps, en effet. C'est vrai, On en c'est vrai. reparlera. On te retrouve dans le supplément. C'est ça. Le supplément SmackDown en fin de semaine. Et bah pour le reste, moi je vous remercie de nous avoir écoutés et puis je vous souhaite une excellente semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Salut. Bon, bah j'espère qu'on m'entendra bien. Allez, hop, hop, hop. Savoir Salut les bon. smarts, salut les marques. Qui c'est qui parle en même temps C'est vrai. C'était plus raté. T'as fait hop, Oh hop, hop, j'ai fait non. Powerbomb.